Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écoutée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Analyse F1, votre émission qui parle de Formule 1, vous l'aurez compris. Aujourd'hui donc il va y avoir des parties assez denses, hein, une émission assez dense, hein, je vous le cache pas, puisque tout d'abord il y aura une partie chargée en actualité, hein, toute l'actualité de ces derniers mois, l'actualité principale, hein, je ne serai pas exhaustif bien entendu, mais j'essaierai quand même de couvrir l'ensemble des nouveautés principales qu'il y a pu y avoir et que je souhaite mettre en avant. Également les nouveautés à venir, hein, pour l'année prochaine et l'après 2021. Et également dans une deuxième partie, je reviendrai sur le Grand Prix de France de Formule 1. Oui, parce que le Grand Prix de France, je m'y suis rendu. J'ai vu de l'intérieur un peu comment ça se passait sur un Grand Prix. Donc je vais essayer de vous relater mon expérience, essayer de vous raconter ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Ce qu'il y a eu tout simplement, et enfin dans une dernière partie de podcast, eh bien ce sera l'heure du High Speed Dating, un nouveau HSD consacré à Nico Hülkenberg. Donc pour les fans du pilote allemand, eh bien patientez un petit peu ou zappez directement vers la fin du podcast où je parlerai d'Hülkenberg, donc de sa carrière, de ses faits, de ses œuvres et de également sa carrière en Formule 1. Mais tout de suite, c'est l'actualité. Une actualité donc assez chargée puisque, eh bien, c'est un peu de ma faute également puisque le rythme de podcast est plus faible qu'auparavant. Là, je n'avais pas fait un podcast depuis février, je crois, ou début mars. Enfin, c'était avant le début de saison, me semble-t-il. Et d'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter, ce podcast, notamment la partie centrale, puisque nous traitions avec Nina Rochette de la place des femmes en Formule 1, et on a bien sûr extrapolé ce thème au sport automobile en général, parce que l'un ne va pas sans l'autre, évidemment, donc c'est un thème qu'on a traité de fond en comble, vraiment un travail de fond qui a été effectué avec une personne qui s'y connaît quand même pas mal sur le sujet, et je pense que l'émission, enfin cette partie d'émission peut apporter pas mal en termes de connaissances, d'avoir quelqu'un de l'intérieur qui en parle vraiment, qui est confronté à ça. Et voilà, donc je vous invite à écouter cette dernière émission. D'ailleurs, la prochaine émission sera un peu dans la même dynamique, c'est-à-dire sur un thème de fond un peu sous-traité, ou du moins traité en surface seulement et pas en profondeur. Donc je ne vous en dis pas plus, je préfère vous laisser l'eau à la bouche. En plus, en été, c'est plutôt pas mal de faire ça. Donc, bref. Mais j'espère faire cette émission également prochainement, ne pas attendre longtemps. Mais bon, je peux rien vous promettre pour l'instant. Donc, partons sur l'actualité pour l'instant de ces derniers mois. Alors, il y a eu des changements cette année en F1, des changements en cours de saison, avec notamment l'AF1 qui a voulu tester l'AFIA qui a voulu tester des zones de DRS supplémentaires sur les différents tracés que l'on a pu voir. Donc généralement, au lieu d'avoir deux zones DRS, on en avait trois. Ce qui a entraîné des dépassements artificiels en plus. Des dépassements en plus, certes. Donc l'AFIA peut se gargariser. Oui, ça a fonctionné. Il y a des dépassements en plus. Certes, mais ce sont des dépassements artificiels en plus. Pour l'instant, c'est plus une mesure temporaire de transition, plus qu'une mesure de fond qui peut durer dans le temps, hein, je le pense, parce que une telle mesure est totalement contraire aux propos de Ross Brawn, qui est donc maintenant directeur sportif de la F1, hein, donc un gros rôle, et qui avait donc déclaré justement qu'à terme, il souhaitait, on va dire, diminuer l'effet du DRS, du moins faire en sorte qu'avec d'autres mesures, bien, il y ait moins besoin du DRS, ou en tout cas réformer le DRS, chose que je réclame depuis, je pense, depuis que je fais analyse F1. Quasiment, donc depuis 2013, peut-être 2012, et oui, je faisais analyse F1 avant PodCloud, dans des archives que vous n'auriez pas accès parce que le site sur lequel je faisais l'émission n'existe plus, mais je les ai sur mon disque dur. Peut-être qu'à un moment je vous les proposerai sous forme de sorte de best-of ou quoi. Parce qu'il y a des choses que je disais à l'époque déjà et qui se révèlent aujourd'hui encore d'actualité. Ou J'y reviendrai via différents trucs qui ont pu se passer ces derniers mois. En tout cas, bon, les zones DRS en plus. Sur certains circuits, ça peut aider à ce que les monoplaces se suivent plus, à ce qu'il y ait une opportunité d'attaque et pas simplement un dépassement gratuit. Mais malheureusement, on le voit sur certains tracés, c'est plus cette dernière solution qui prévaut, c'est-à-dire ben ça devient très facile de dépasser et le pilote qui est devant ne peut pas se défendre tout simplement. Donc c'est un peu bête et du coup ben ça nuit au spectacle, hein. D'ailleurs, on a vu au Grand Prix de France qu'une zone DRS un peu trop avantageuse, eh bien, bon, ben, y a des dépassements certes, mais bon, c'est pas, c'est voilà, c'est comme quand vous passez quelqu'un sur l'autoroute, hein, vous mettez le clignotant, vous passez, et puis voilà, vous vous rabattez. C'est un peu ça, c'est un peu le même spectacle que ça offre. Et sportivement, c'est assez mauvais, je pense. Bref, je vous renvoie sur des émissions où j'ai pu parler du DRS en long, en large et en travers. Je pense que c'était au début des émissions sur PodCloud où j'ai peut-être dû faire une émission sur le DRS. Allez voir ça si vous ne la trouvez pas. Vous me le demandez via les réseaux sociaux ou sur PodCloud et je vous mettrai le lien. Je ferai la recherche pour vous, évidemment. Donc, n'hésitez pas. Il y aura également des changements en 2019. Des changements en 2019. Avec l'aileron avant, les ailerons avant et les conduits de frein qui seront simplifiés pour produire une aérodynamique plus simple et que au lieu qu'il y ait un grip aéro qui s'installe comme c'est le cas depuis 2017, eh bien qu'il y ait un grip mécanique qui prévale sur le grip aéro. L'objectif, évidemment, eh bien on en discutait juste avant hein, quand je relatais les propos de Ross Brawn, l'objectif c'est que les monoplaces puissent mieux se suivre. Dans les virages rapides notamment, où il peut y avoir de l'air sale, comme peuvent le dire les ingénieurs, et donc déporter la monoplace qui est derrière et lui faire perdre du temps. Et donc là, les monoplaces pourraient mieux se suivre, et on le sait avec l'aspiration, l'effet d'aspiration qui a été bien augmenté, n'empêche depuis 2017, hein, il faut le prendre en compte ça, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que l'effet d'aspiration est plus important, on le voit notamment au départ, hein. Dans les départs, quand il y a des lignes droites assez longues, ça fait pas comme avant. Avant, bon, il y avait un petit effet d'aspiration, mais sans plus. Là, vraiment, on voit que ça se resserre, le plateau se resserre, et on voit que des fois, plus souvent, 3-4 de front des pilotes, même si les pilotes sont assez prudents, donc ne risquent pas non plus trop leur course, mais il y a quand même plus d'effet d'aspiration. Et aussi, dans le même temps, en 2019, nous verrons un DRS élargi. Là, c'est la partie réglementaire qui me plaît un peu moins, puisque les conséquences seront que, en fait, l'objectif affiché, c'est que le DRS est un effet augmenté. Seulement, déjà, sur certains tracés, certaines lignes droites, il a un effet déjà trop fort. Les pilotes le disent, hein, il faut écouter les pilotes quand ils parlent. Je le rappelle, c'est eux qui sont sur la piste, c'est eux qui connaissent le mieux le sujet. Donc, il leur arrive de dire des conneries, mais il leur arrive souvent de dire pas mal de bonnes choses. Et bon, les instances n'écoutent pas suffisamment, et c'est bien dommage. Donc le DRS élargi, c'est-à-dire l'aileron arrière, en fait, quand il va s'ouvrir, il y aura plus d'espace pour que l'air passe. Donc évidemment, la voiture va se retrouver aspirée un peu plus et va aller encore plus vite avec le DRS. Malheureusement, pour l'instant, pas de modification au niveau du règlement. Sportif du DRS en vue. Pourtant, ce serait bien. En GP3, j'ai vu qu'il testait, je l'ai découvert au Grand Prix de France d'ailleurs, il testait, on va dire, le fait que pendant un certain nombre de tours, eh bien, les pilotes vont pouvoir utiliser leur DRS qu'un certain nombre de fois. Bon, en tout cas, moi, j'espère voir ce règlement modifié, vous le savez. Parce que sinon ça va nuire carrément au spectacle, ça va ruiner les batailles, il y aura plus de batailles, il y aura des monoplaces qui vont passer comme sur l'autoroute comme ça et pas de possibilité de défense, ou si un pilote veut défendre, ce sera très dangereux. Déjà que ça pouvait être dangereux le DRS, on l'a vu, il y a eu des exemples par le passé que j'ai pu démontrer à plusieurs reprises, mais là ce sera encore plus dangereux si un pilote devant souhaite défendre parce que le différentiel de vitesse sera tel que les accidents seront encore moins évitable dans ces cas-là. Autre chose, autre question à propos de cette fois-ci de la modification du règlement au niveau des ailerons avant et des conduits de frein, donc ils seront simplifiés, je le rappelle, donc il y aura moins de liberté pour les ingénieurs pour élaborer des ailerons avant complexes, on le voit avec pas mal de flaps et tout, enfin pour que l'air soit diffusé le mieux possible, pour que la monoplace ait un appui aérodynamique très fort, hein. on le voit, hein, c'est des ailerons avant très complexes, les conduits de frein aussi, il y a un travail dessus pour diriger l'air soit vers le fond plat, soit vers le diriger tout simplement en direction de l'aileron arrière de façon fluide ou autre. Et bon, bah là, là, ça va être plus compliqué, il faudra travailler ailleurs, mais est-ce que la liberté sera donnée aux ingénieurs de plus travailler l'aérodynamique ailleurs sur la monoplace ou pas? Et est-ce qu'on va encore avoir Adrian Newey qui va s'éloigner de la F1 en conséquence? On le sait, à un moment, il y avait eu un règlement, je me demande si c'était pas pour l'ère hybride, au début de l'ère hybride, où Adrian Newey avait estimé que la réglementation technique ne lui permettait pas de s'exprimer en tant qu'ingénieur. C'est qu'Adrian Newey, ouais, lui, c'est vraiment quelqu'un de très créatif là-dessus. Est-ce qu'il va encore s'éloigner de la F1? Est-ce que d'autres également vont s'élever? J'attends, moi, de lire des interviews d'ingénieurs à propos de ce règlement. Ça pourrait être intéressant d'avoir leur point de vue, évidemment. Également, en 2019, il y aura une augmentation de la limite du carburant. Ça, c'est bien parce qu'on voit trop, sur trop de courses, on va dire une course à l'économie. Le Grand Prix du Canada, par exemple, le Grand Prix, je crois, d'Abu Dhabi aussi. Bref, il y a quelques grands prix comme ça où ben les pilotes peuvent pas vraiment s'exprimer puisqu'ils doivent être ils doivent conduire à la limite, ils doivent économiser le carburant, sinon ils tombent en panne sèche en fin de grand prix, ce qui est assez bête dans ce sport quand même d'en arriver là. Alors qu'il y a une gestion du carburant des pneus, je suis d'accord, mais là c'est trop exacerbé au niveau du carburant sur pas mal de circuits, donc c'est bien quand même qu'il y ait une augmentation de cette limite. Donc c'est 5 kilos en plus, on va voir les conséquences que ça va avoir, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez. Selon les premières déclarations que j'ai pu lire, cela semble suffisant. On verra un wait and see, comme on dit, outre-manche. Et oui, outre-manche, hein. Petit lien avec le Grand Prix de Silverstone ce week-end, mais j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, voire beaucoup plus tard dans l'émission. Ensuite, il y aura une séparation entre le poids de la voiture et le poids du pilote, cette fois-ci qui seront différenciés. Parce que vous le savez, il y avait une course au poids minimal, si vous voulez, pour faire en sorte que les écuries puissent jouer avec le lest. Et donc, un pilote qui était le plus léger possible, eh bien, était, on va dire, bien vu par les écuries, puisqu'ils allaient pouvoir mettre du lest ici et là pour l'équilibre de la voiture, tout simplement. Vous allez mieux pouvoir répartir ce lest. Là, en séparant le poids de la voiture et le poids de pilote, les pilotes n'auront moins en tout cas à subir un régime drastique si et seulement si en tout cas la mesure est bien faite. Parce que j'ai lu un avis d'un ingénieur, il me semble, qui disait que dans ce cas-là, avec la séparation entre le poids de la voiture et le poids du pilote au niveau de la réglementation, eh bien, ça dépendait où serait le lest, en fait, autorisé pour les écuries. S'il est à tel endroit, eh bien, ça changerait rien, en fait. Ça serait une mesure de polichinelle. Une mesure qui n'aurait aucune conséquence. Les pilotes devront encore être maigres, on va dire, et risquer un petit peu leur santé, hein. On a vu des cas de pilotes qui ont été dans le malaise et ça a été un peu caché, on va dire. Ou bien si le lest est autorisé à être mis à tel endroit, eh bien là ça aura un effet, et là en effet les pilotes pourront reprendre un poids de forme décent, ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement. Regardez, hein, comparez le poids de certains pilotes d'expérience maintenant avec il y a 5-6 ans, et vous verrez la différence, vraiment vous verrez une grosse différence, parce que du coup ils doivent faire un travail diététique mais de folie, hein. C'est n'importe quoi. Ils arrivent à le suivre parce que ce sont des pilotes de haut niveau et qui souhaitent être tous champions du monde un jour et remporter des victoires, donc ils s'y plient. Mais vraiment, vraiment, c'est millimétré, hein, c'est au milligramme près limite. Donc voilà, il fallait que ça change, il faut espérer que ça change vraiment. Donc bon, ce serait un petit pas en avant qui serait pas mal. En plus, il y avait les écuries qui avaient tendance à préférer les pilotes minces, voire maigres, au lieu des pilotes grands, et voilà. Donc ça, c'était un peu bête quand même, parce que avant tout, c'est le talent qui compte, hein, on le sait. Donc, ça serait une bonne mesure. Et enfin, il y aura les gants biométriques obligatoires pour tous les pilotes, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'en fait, ces gants permettent de monitorer, on va dire, les battements du cœur, etc. Enfin, tout ce qui concerne la santé, on va dire. Et du coup, s'il y a un accident, s'il y a quelque chose de grave ou de moins grave qui se passe, bref, et le personnel médical aura directement les infos. Et ça, c'est pour une plus grande efficacité du corps médical, c'est important, et donc pour une meilleure prise en charge et pour que, évidemment, la santé des pilotes soit le mieux préservée. Donc ça, c'est positif. J'accueille cette mesure avec la plus grande bienveillance, et je pense que la majorité des gens également. Voilà. Ensuite, en 2021, il y aura des changements, parce qu'en 2021, ce sera le renouvellement des accords Concorde, ou en tout cas, c'est la fin des accords Concorde actuels. Donc on verra, soit renouvellement, soit vraiment on va mettre fin à ce système d'accords Concorde, on ne sait pas. Mais il va y avoir donc des modifications souhaitées par les instances de la F1, avec Liberty Media qui a émis certains souhaits, et donc qui, en concertation avec la FIA et tout, eh bien, va essayer d'arriver à certains compromis pour rendre la course la plus intéressante possible, et tout en restant la plus technologique, et que la F1 reste la plus rapide possible, évidemment. Donc au niveau de l'unité de puissance, je lis, je cite un article de motorsport.com de Fabien Gaillard, qui relatait il y a quelques mois, le 6 avril, les souhaits émis par les instances. Donc au niveau de l'unité de puissance doit être moins chère, plus simple, plus bruyante, avoir plus de puissance et réduire la nécessité de pénalité sur la grille. Bon, jusque là, rien à dire, je suis plutôt d'accord. Elle doit rester pertinente vis-à-vis des voitures de route hybrides et permettre aux constructeurs de bâtir une unité de puissance originale et unique. Là encore, là j'accueille ça avec la plus grande bienveillance, parce que la F1 a toujours eu vocation, en tout cas, à innover et à permettre également une transcription au niveau des voitures de route. Donc, et notamment là, il y a la technologie hybride, électrique, etc., qui se développe vraiment énormément. Donc c'est intéressant que ça puisse se transposer, que ce soit pas juste voilà, la F1 dans son petit monde. Donc c'est plutôt pas mal, et ça pourrait permettre également à des nouveaux constructeurs de s'intéresser à la F1 et de vouloir s'y mettre concrètement. Donc ça serait une bonne mesure. Alors là, tout ce que je dis, ce sont des souhaits, ça n'a pas été acté dans le marbre encore, mais voilà. Les nouvelles règles des unités de puissance doivent être attractives pour les nouveaux entrants et les clients doivent avoir accès, pardon, à une performance équivalente. Voilà, donc là, ça va dans la suite logique de ce que j'ai énoncé précédemment. Et les clients doivent avoir accès à une performance équivalente. Ça va dans la suite logique d'une disposition réglementaire qui est sortie en début d'année, là, comme quoi les clients doivent avoir vraiment les mêmes options pour le moteur que l'écurie d'usine, que le constructeur, et qu'il n'y ait pas de différence. Il y avait notamment eu des soupçons au niveau de Mercedes et son mode fête, son mode qualif. Et on soupçonnait les autres écuries de n'avoir pas accès à ce mode-là. La FIA a clarifié les choses. Normalement, toutes les écuries ont accès à ce mode qualif. Voilà. Après, j'ai pas vu les autres écuries trop s'exprimer là-dessus. Bon. Peut-être que Mercedes les muselle ou pas, je ne sais pas. Ou que je n'ai pas vu les interviews. C'est possible également. Au niveau des coûts, nous croyons que la façon de dépenser l'argent doit être plus décisive et importante que la somme dépensée. En effet. On voit quelques écuries, ça c'est moi qui le dis. On voit quelques écuries comme Force India, notamment, dont l'utilisation de l'argent est très bonne, pour arriver aux résultats qu'ils ont depuis quelques années. On se rend bien compte que c'est pas la somme dépensée, c'est vraiment la façon de dépenser l'argent qui compte. Mais voilà, quand même, ça aide d'avoir beaucoup plus d'argent, on le voit avec Mercedes, Ferrari, Red Bull, on va pas se le cacher. Même s'il y aura des éléments standardisés, la différenciation des voitures doit rester une valeur centrale. Donc voilà, avoir des éléments standardisés, afin que les coûts soient moins élevés, de permettre de nouveaux entrants, de permettre également une survie des écuries existantes qui ne soient pas dans le besoin absolu de prendre des pilotes payants, de se soumettre, on va dire, aux écuries de pointe en créant des écuries B, voilà. Et dans le même temps, que les voitures aient quand même un niveau de différenciation, parce que c'est la F1. La F1 doit être comme ça, ça doit être une bataille entre des ingénieurs, des mécaniciens, etc., une bataille technologique, et en effet, il faut qu'il y ait ça pour que la F1 évolue. Parce que ça fait évoluer vraiment la F1 qu'il y ait des innovations ici et là qui soient produites par les différents acteurs du sport. Donc bon, sur le papier, c'est bien. Après, il faut voir de manière concrète comment ça se traduit, évidemment. Ensuite, mettre en place un budget capé qui maintient la Formule 1 dans sa position de pinacle des sports mécaniques avec une technologie de pointe. Voilà, donc là aussi c'est pareil, un budget capé. On en parlait, Max Mosley en parlait il y a longtemps déjà, fin des années 2000, début des années 2010. Et comment dire? Et là on en reparle de manière assez concrète. Les propriétaires de la F1 sont venus à rassurer Sauber et Force India, souvenez-vous, hein, qui avaient émis une plainte auprès de la Commission européenne, qui a été retirée du coup, suite, on va dire, à la main bienveillante de Liberty Media sans doute, qui a assuré les différentes écuries que il y aurait une meilleure distribution des revenus. D'ailleurs, ils en parlent après, les nouveaux critères de redistribution des revenus doivent être plus équilibrés, basés sur la méritocratie de la performance du moment et récompenser le succès pour les équipes et le détenteur des droits commerciaux. Voilà, donc c'est lié, hein, forcément. Ces questions sont éminemment liées. Donc voilà, après le budget capé, c'est quelque chose qui plaît pas trop à Mercedes-Ferrari, évidemment, qui vont répondre et qui répondent déjà que ben ils vont pas pouvoir s'exprimer tout simplement et que ce n'est plus la F1. Voilà. Bon, ça dépend où il est capé le budget également, faut voir. Ensuite, la franchise et la valeur unique historique de la Formule 1 doivent être et seront toujours reconnues. Bon ben voilà. Là c'est valoriser l'histoire de la F1 tout simplement, la franchise et ben, ce qu'il y a d'unique dans la F1 quoi, en tant que pinacle des sports mécaniques. C'est vrai qu'on a souvent tendance ces derniers temps, enfin on a eu tendance à mettre la F1 au niveau d'autres sports mécaniques, alors que la F1 doit vraiment rester unique, on va dire, sur son trône, on va dire, au niveau des sports mécaniques de monoplace bien sûr. Et bon, c'est redorer le blason quoi, en gros, hein, ça, la déclaration de Liberty Media. Ensuite, des revenus pour soutenir les constructeurs de voitures et de moteurs. Donc là, c'est peut-être pour soutenir les entrants, on va dire, les éventuels entrants dans le sport. Pourquoi pas, on va voir. Et pour soutenir les motoristes qui voudraient équiper d'autres écuries. Ensuite, au niveau de la réglementation, des réglementations sportives et techniques. Nous devons rendre les voitures plus capables de rouler les unes contre les autres pour augmenter les opportunités de dépassement. Donc on voit qu'en 2019 déjà il y aura un début à cela, et en 2021 ils veulent passer un cap supplémentaire à ce niveau-là apparemment. Je continue. La technologie d'ingénierie doit rester une pierre angulaire, mais les capacités des pilotes doivent être un facteur prédominant dans la performance de la voiture. Là aussi c'est équilibrer deux choses qui sont assez compliquées, c'est-à-dire qu'en Formule 1 je pense qu'on restera toujours avec une Formule 1 à plusieurs niveaux, avec les écuries de pointe, les écuries intermédiaires et les écuries un peu de fond de tableau, forcément. Donc bon, il faut trouver toujours un juste milieu pour pas qu'il y ait une trop grosse différence. Je pense que actuellement, si on prend du recul sur l'histoire de la Formule 1, actuellement on est pas mal à ce niveau-là, on est plutôt pas mal. Puisque bon, on cite souvent l'âge d'or de la F1 avec Prost et Senna et tout ça. Certes, hein, c'était génial ce duel-là, et je suis le premier à être admiratif envers cette époque, mais ce qui était moins bien, c'est que souvent, le quatrième était à un tour, le septième était à deux tours, donc voilà, on le sait que c'était comme ça. Dans les années 2000, ça pouvait être comme ça également, avec les Ferrari qui mettaient un tour à tout le monde. Bon, ben, on n'est plus trop dans ça, hein, actuellement, et c'est plutôt pas mal, surtout cette année. Il y a de la compétitivité à différents niveaux, donc je trouve ça plutôt intéressant. Faut pas non plus aller trop loin en voulant diminuer le gap entre les différentes écuries, sinon on va braquer Mercedes et Ferrari, et ça va être impossible d'obtenir quoi que ce soit. Donc faut faire attention aussi. Mais je suis d'accord, hein, les capacités des pilotes doivent être un facteur prédominant dans la performance de la voiture. Oui, mais après on arrive quand même à déceler des choses, hein. Par exemple, Charles Leclerc qui arrive à marquer des points avec sa Sauber plusieurs fois là cette saison, même s'il n'est pas premier machin, par ses performances, on arrive quand même à déceler le talent des pilotes. Hein. Pour l'instant, les pilotes qui sont dans les meilleures écuries font partie des tout meilleurs du plateau. Il y a qu'Alonso actuellement en énorme pilote quasiment. Enfin, ce qui est le plus choquant actuellement, c'est surtout Alonso, hein, c'est tout. Les voitures doivent et vont rester différentes les unes des autres. Liberty Media souhaiterait affirmer ça, et c'est bien. Et conserver des facteurs différenciants en termes de performance comme l'aérodynamique, les suspensions et la performance de l'unité de puissance. Cependant, nous croyons que des domaines qui ne sont pas pertinents pour les fans doivent être standardisés. J'ai tendance à être plutôt d'accord, ce qui pourrait permettre de réduire les coûts et également, peut-être également d'avoir plus la main sur certains points réglementaires où certaines écuries auraient tendance à chercher le contournement du règlement par la rocade, et voilà, comme d'habitude, même si ça fait partie du sport, en effet. Mais voilà, standardisation, c'est pas forcément mal si il y a quand même une majeure partie de la majeure partie de la monoplace est quand même conçue par les ingénieurs et tout. Voilà. Gouvernance, une structure simple et rationalisée entre les équipes, la FIA et la Formule 1. Là, c'est intéressant dans le cadre des accords Concorde. Ça peut vouloir dire rupture avec les accords Concorde qui nuisent un petit peu quand même à ce qu'on peut faire en F1. C'est-à-dire que, concernant les grands changements que l'on peut faire en F1, eh bien, c'est un peu conditionné par les accords Concorde. Des accords Concorde qui sont signés sur une durée de 7 ans, je crois, 6-7 ans. Donc, pendant 6-7 ans, tu regardes s'il y a quelque chose de grave qui se passe et tu veux mettre en place quelque chose d'important, tu ne peux pas parce qu'il y a les accords Concorde. Ou tu peux, mais certains cas bien précis. Et c'est, je trouve que la gouvernance en F1 est assez illisible du point de vue du public. Il y a la commission, il y a le groupe stratégique, il y a les accords Concorde, il y a... Et puis ça va pas que les équipes aient trop de, comment dire, trop de... Que l'avis des équipes soit trop pris en compte, quoi, parce que, en fait, il y a forcément un conflit d'intérêts. Quand vous avez des équipes qui disent non et qu'il y a quelque chose qui doit se voter à l'unanimité, il y a souvent des points de règlement qui doivent être votés à l'unanimité pour être mis en place. Forcément, il y a des écuries que ça va pas arranger. Ils vont dire non juste parce que ça les arrange pas, même si ça arrange le sport. Donc ça aussi, c'est débile. Faut mettre fin à ça d'une manière ou d'une autre. Après, ce qui est plus dur, c'est de convaincre les écuries et les différents acteurs de cela, tout simplement. Donc voilà ce qui peut attendre la F1 en 2021. C'est un peu flou pour l'instant, mais ça peut être moins flou dans quelques temps puisque la semaine, non, c'était pas la semaine dernière, c'était mercredi dernier là, le groupe stratégique s'est réuni pour discuter de ces changements. Donc on aura peut-être les conclusions incessamment sous peu. Je ne les ai pas vues pour l'instant, mais n'hésitez pas à m'envoyer le lien si vous avez le lien de quelque chose à ce sujet-là. Moi, je suis très friand de découvrir cela et de vous en faire part dans l'émission. Mais j'attends ça avec impatience parce que ça va vraiment se décider très bientôt. On est déjà en 2018 et 2021 sera vite là, enfin à l'échelle de la Formule 1 en tout cas. Je parlais de Liberty Media, des changements qui pourraient avoir lieu en 2021, en tout cas des souhaits forts émis par les propriétaires de la Formule 1. Eh bien, dès cette année, ils ont mis en place certaines choses pour les fans. Donc je vais en parler. Je vais reparler de F1 TV. F1 TV, vous savez, c'est, on va dire, le moyen légal de regarder la F1 via Internet notamment, payant, et qui est accessible en France donc pour je ne sais plus quelle somme, mais ça revient je crois avec la réduction qui avait lieu, c'était ça revenait à 14 euros par mois, et je crois que là sans la réduction, ça doit revenir à 17 euros par mois, un truc comme ça, il me semble. Ce qui est quand même une somme, hein, surtout bien plus élevée que ce qui a été annoncé à la base, à savoir entre 6 et 10 euros. Il y a deux offres, hein, F1 TV Pro et F1 TV Access. Le Access vous nous donne accès au replay, je crois, 2 jours après les séances seulement. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et juste au replay, pas au direct, alors que F1 TV Pro vous donne accès au direct. Il y a de nombreuses choses, des documentaires également, le replay, la rediffusion des différentes séances en intégralité, les caméras embarquées. Et évidemment, c'est intéressant d'ailleurs de pouvoir voir les caméras embarquées des pilotes, d'entendre la radio des pilotes sans rien d'autre, d'entendre juste le moteur, pas les commentateurs, choisir la langue des commentaires, pas mal de choses, mais il y a pas mal de choses qui sont pas faites encore. Comme dans la vidéo trailer avait été annoncé notamment de pouvoir séparer, on va dire, mettre dans un coin par exemple la diffusion officielle. Et dans un autre coin, par exemple, la caméra embarquée de un ou deux pilotes que vous voulez suivre, par exemple, vous voulez suivre quand même la diffusion officielle, mais vous voulez suivre une bataille des pilotes dont vous êtes fan des pilotes français, vous voulez les avoir un peu du coin de l'œil, vous pourriez le faire. Bah là, pour l'instant, on n'a pas accès à ça. J'espère qu'on aura accès à ça incessamment sous peu quand même, parce que c'était promis. Les courses de GP2, GP3 également, on y a très peu accès. On a accès à des résumés, parfois à des courses, mais voilà, c'est pas très bien annoncé. Donc ça, c'est dommage également. Enfin, de F2 et de GP3, pardon, vu que la GP2 est devenue Formule 2. Donc voilà. Et également au début, il y a eu un gros problème également, mais bon, ça c'était à prévoir. On le sait sur les lecteurs de diffusion indirecte, sur les débuts, il peut y avoir une surcharge serveur, quoi, et du coup des difficultés pour avoir le flux de manière fluide. on va dire. Et du coup, ça a été le cas au Grand Prix d'Australie, mais la F1 était assez réactive et a remboursé, nous a remboursé de 8 euros, je crois. Enfin, ça correspondait à 8 euros. On avait été lésés pendant tout le week-end, selon eux, donc on a été remboursé. Donc bon, c'est tant mieux. Et ensuite, ça marchait mieux. Là, ça marche mieux, c'est quand même plus, bien plus fluide. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous le dis, maintenant j'ai déménagé là. Et j'étais à Clermont-Ferrand, vous savez, et maintenant je suis à Vichy. Et donc je suis dans un quartier, j'ai pas non plus une très bonne connexion, moins bonne qu'avant, mais j'arrive à suivre quand même F1 TV Pro de manière fluide et avec une aussi bonne qualité qu'avant, en direct. Donc j'en suis plutôt content. C'est signe que le lecteur quand même est plutôt bien foutu, est plutôt bien fait. Donc c'est positif. Donc voilà, F1 TV Pro progresse petit à petit. Après, il y a eu quelques soucis. Par exemple, les résultats qui étaient affichés directement sur la page principale. Du coup, quand vous aviez loupé le direct et vous vouliez regarder la rediffusion, eh bien vous aviez le podium déjà. Vous le saviez qui c'était. Donc c'était un peu dommage. Là, ils l'ont enlevé. Pourquoi? Parce que ils ont utilisé F1 Fan Voice, également une nouveauté cette année. C'est un site tout simplement et qui s'appelle F1 Fan Voice. Vous pouvez y aller, vous inscrire dessus également. Et il y a des sondages, une sorte d'enquête également, et d'opinions souvent sur les différents trucs de la F1, donc soit sur le site officiel de la F1, soit sur F1 TV. Donc du coup, sur F1 TV, on devait être, moi je faisais partie en tout cas des personnes qui se sont plaints du fait qu'on était spoilés, c'est-à-dire qu'on nous divulguait le résultat de la course alors qu'on n'avait pas vu la rediffusion. Et du coup, maintenant, ce n'est plus accessible, il faut cliquer sur un bouton pour voir le podium, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal. On se sent écouté en tout cas via F1 Fan Voice pour l'instant. On nous demande notre avis sur pas mal de choses. Donc sur le site, l'ergonomie du site, sur ce qu'on aimerait voir en plus, sur F1 TV, sur F1 Fan Voice en lui-même, sur par exemple la vente de produits estampillés F1, de produits officiels F1 comme t-shirts et casquettes, sur à partir de quel prix on serait prêt de payer ça, sur un grand prix, machin, à quel grand prix on compte se rendre également. Enfin bref, on l'avait vu, il y avait des enquêtes ponctuelles de la F1, des grandes enquêtes qui avaient rassemblé des centaines de milliers de fans à travers le monde, et ce n'est d'ailleurs un record pour un sport, un record mondial. Eh bien avec F1 Fine Voice, c'est ça en permanence. Et c'est plutôt pas mal, surtout si on est écouté. Donc j'accueille ça avec impatience. En plus, c'est fait de manière ludique, c'est-à-dire vous répondez à un sondage, à une enquête, vous gagnez tant de nombre de points, et à la fin du mois, votre nombre de points, ça sera, il y aura un tirage au sort et vous aurez tant de chances. C'est-à-dire votre nombre de points, si vous avez 800 points, vous aurez 800 chances sur par exemple 200 millions de remporter un ticket pour un grand prix. Voilà, aussi simple que ça. Donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là, ça pousse les gens à s'engager également et à être de plus en plus nombreux à répondre aux enquêtes pour qu'il y ait vraiment un échantillon utile pour les différentes instances. Donc c'est plutôt pas mal. Et également il y a un forum et une possibilité de discuter sur les forums, de faire un peu une sorte de blog également. Et suivant la popularité que vous avez avec ces différents médias, eh bien vous avez des points en plus. D'ailleurs je compte y participer prochainement à ce genre de choses. Parce que c'est intéressant pour partager mes analyses également, d'analyse F1, et un peu faire un peu du transmédia avec le podcast, voilà, une cross-plateforme, tout simplement. Non, ouais, du transmédia plutôt. C'est comme ça qu'on appelle ce biais. Donc voilà, pourquoi pas. En tout cas, c'est intéressant, je vous invite à aller y faire un tour. Malheureusement, c'est qu'en anglais pour l'instant, au niveau des forums et des blogs. Je sais pas s'ils ont dans l'idée prochainement d'y mettre dans plusieurs langues, ce qui serait bien. Je trouve. En tout cas, on peut leur signaler si jamais une enquête pointe le jour sur F1 Fan Voice. D'ailleurs, il y a également F1 Fantasy, F1 Fantasy. Donc c'est une sorte de jeu où vous avez, je crois, c'est les jeux fantasy là. C'est assez réputé. Moi, j'y joue pas trop, mais j'avais fait une fois, je crois. En gros, vous sélectionnez plusieurs pilotes de différentes écuries qui ont un certain nombre de points. Vous avez un nombre de points maximal, par exemple 1200. Et par exemple, Vettel et Hamilton, ils valent 600 points. Verstappen, Ricciardo, 400. Ocon, Perez, 200, etc., etc. Et vous ne devez pas dépasser 1200. Et c'est une sorte de pronostic, mais vous devez faire des compromis. Et donc, plus vous avez fait des meilleurs compromis au niveau de vos pronostics, et mieux vous pourrez... Eh bien, mieux vous aurez de points et vous serez vous serez classé dans le classement des Final Fantasy. Donc c'est pas mal actuellement. Par ailleurs, Liberty Media a fait une déclaration très récemment, c'est-à-dire d'avoir une nouvelle approche au niveau du choix des nouveaux Grands Prix. Parce qu'avant, vous savez, sous Bernie Ecclestone, c'était le promoteur du Grand Prix. S'il donnait le plus de sous possible, par exemple, Grand Prix de Sochi, il donne, je dis n'importe quoi, 15 millions. Le Grand Prix de Alger, il donne 8 millions. Enfin, les organisateurs, les promoteurs du circuit, Grand Prix. Ou le groupement d'intérêt public. Enfin bref, ceux qui veulent le Grand Prix, ils donnent 8 millions, les autres, ils donnent 15 millions. Ben, ce serait plutôt la piste qui a donné 15 millions qui serait prise. Alors que la piste pourrait ne pas être folichonne, quoi. Et du coup, Liberty Media a déclaré vouloir changer cela. Et plus, on va dire, s'intéresser justement à la pertinence des tracés. Notamment, je crois qu'ils veulent plus de circuits en ville, il me semble. C'est vrai que ça, c'est impressionnant, les circuits en ville. Et puis, ça a son attractivité, quoi, pour un nouveau public, etc. On le voit avec la Formule E qui réussit assez bien cela. Donc, la F1 voudrait... aller là, attention par contre avec la communication de Liberty Media, parce qu'ils disent, oui, nous voudrions justement changer les choses et que le choix des Grands Prix soit dicté non plus par l'argent, mais par la qualité des tracés. Non, en fait, c'est juste qu'il y aura, il y aura un curseur qui sera augmenté et un curseur qui sera un peu diminué, mais quand même, l'argent qui sera proposé sera toujours quand même... un facteur de décision, hein. Faut pas se le cacher, faut pas du tout se le cacher. Mais voilà, bon, déjà c'est déjà bien de voir cette une nouvelle approche. Alors est-ce que c'est une déclaration purement de communication ou est-ce que ça se traduira dans la réalité? Nous verrons. En tout cas, la suite nous le dira. La suite nous le dira. Ça dépendra parce que les nouveaux Grands Prix. Et oui, est-ce qu'ils vont les ajouter et ça ferait une saison de folie où les mécaniciens et tout le personnel va se taper la tête contre le mur. Et partir en dépression, ou est-ce qu'ils vont faire le choix intelligent de remplacer certains tracés, voilà, quitte à se faire pas trop des amis, mais certains tracés qui pourraient être jugés par la majorité, on va dire, des personnes du paddock et des décisionnaires de chiants, pour pas le dire autrement, par un nouveau Grand Prix qui serait plus attractif. Voilà, il y a ça aussi, hein. Je pense que c'est quelque chose à réfléchir. Il y a eu une nouveauté au niveau motoriste, on s'y attendait pas trop, Moi je m'y attendais pas tant que ça, aussi rapidement du moins, c'est que Red Bull va être motorisé Honda dès la saison prochaine. Voilà, on a vu avec Toro Rosso ça a plutôt bien marché, Toro Rosso Honda cette saison. D'ailleurs c'était assez, comment dire, assez risible du point de vue de McLaren, enfin quand on regardait McLaren à côté. Que direct Toro Rosso Honda ça marche plutôt pas mal alors que McLaren Honda ça marchait pas. Donc il faut que McLaren également se regarde dans le miroir un petit peu, ça serait intéressant. Et du coup Red Bull, en utilisant on va dire le laboratoire Toro Rosso, eh bien a décidé de choisir Honda comme motoriste pour la saison prochaine. Donc à mon avis s'ils ont fait ce choix c'est pas par hasard. Parce qu'ils ont les chiffres par Toro Rosso, ils ont les données, donc ils savent que le moteur Honda est en pleine progression, enfin l'unité de puissance Honda pour être plus précis. Va être meilleur à l'avenir et que c'est le bon filon. Et également Red Bull, on le sait, ils sont en froid avec Renault depuis des années, même si Renault c'était juste le motoriste qui leur a permis entre autres d'être quadruple champion du monde au début des années 2010, mais voilà. Mais bon, bref, Red Bull donc s'est séparé de Renault, je pense que c'était le mieux pour l'un et pour l'autre. En plus, il y avait le retour de Renault en tant que constructeur, en tant qu'écurie. Donc, c'était aussi pertinent de ce côté-là, peut-être du côté de Red Bull, d'aller voir un autre motoriste. Donc voilà, ils se sont tournés du côté de Honda, on va voir. Après, voilà, toujours du côté de Red Bull, voilà, c'est bisbille avec Renault et un certain irrespect envers le motoriste français. Ça, on pourra toujours le regretter. Mais voilà, en termes stratégiques, ça m'a l'air d'être un choix intéressant, en tout cas, à observer. Sur le moyen terme. Il y a un quid quand même de la compétitivité à court terme de Red Bull avec l'unité de puissance Honda. Est-ce que dès 2019, Red Bull Honda sera au niveau qui était le sien en étant Red Bull Renault? Ça, on ne le sait pas. Et du coup, est-ce que ça va conditionner la décision de Ricciardo? La question lui a été posée. Bon, il a répondu que, évidemment, il regardait ça de près et qu'il allait évidemment se décider, il a des nombreux facteurs qui font que Ricciardo restera ou pas chez Red Bull, mais il y a notamment celui-ci. Donc, bon, on verra. Hein, Ricciardo, hein, qui est courtisé hein, de toutes parts, c'est normal. Hein, 2 victoires cette saison, il me semble déjà. Ouais, 2 victoires. Un très grand pilote, vraiment, qui mérite d'avoir la monoplace qu'il lui faut pour lutter pour le championnat du monde. Donc, on verra. Il n'en est pas loin. La Red Bull de cette année est vraiment pas mal. Mais c'est pas encore suffisant pour être au niveau de Mercedes et de Ferrari et être compétitif au plus haut niveau sur tous les tracés. Ils sont là en embuscade sur tous les grands prix, mais et sur certains grands prix un peu plus qu'en embuscade, mais c'est pas suffisant pour, je pense, lutter pour un titre pilote et constructeur. Pour finir avec les nouveautés qui risquent d'avoir lieu en F1. Ah là, je souhaite vraiment finir en beauté un peu le feu d'artifice de ces nouveautés, puisque c'est un cheval de bataille que je mène depuis des années et des années. C'est évidemment les pénalités en Formule 1. D'ailleurs, je vous renvoie, j'aime bien faire le pont entre mes différents podcasts. Je vous renvoie à celui où je parlais justement des pénalités. J'avais fait un long laïus sur les pénalités. Vraiment, l'émission était consacrée à ça. Pour essayer de trouver des solutions alternatives, pour voir l'état actuel déjà des choses, et de voir ce qui pouvait être fait, ce qui compte être fait. Et là, dans le ce qui compte être fait, eh ben, je suis agréablement surpris que la FIA envisage de demander au commissaire d'adapter les pénalités en fonction des conséquences des incidents. Là, je cite un article de motorsport.com une nouvelle fois, de Benjamin Vinel, voilà. Mais voilà, vers des pénalités adaptées aux conséquences des accidents, titre l'article. Vraiment là, je salue le truc, parce que ça fait des années que je le dis, que pour retrouver du sens, pour retrouver du bon sens, la F1 doit agir comme ça, et pas systématiquement envoyer les pénalités en lisant la ligne de règlement, et en se disant... Bon, on attribue la pénalité. Non, le rôle d'arbitre, on va dire, commissaire, c'est évidemment de faire respecter le règlement Formule 1, mais aussi en n'oubliant pas qu'il y a une course qui se déroule, en n'oubliant pas que chaque incident a des conséquences différentes, chaque incident est assez différent, même si on peut trouver des similitudes entre différents incidents, et donc... C'est vrai qu'adapter les pénalités en fonction des conséquences, ça me paraît plutôt bien. Ça me paraît plutôt honnête, plutôt juste finalement vis-à-vis de ce qui peut se passer. Et bon, ils servent comme exemple les commissaires, l'incident le plus récent entre Bottas et Vettel au Grand Prix de France, enfin un incident récent où Vettel pardon a harponné Bottas au premier virage. Et où finalement Vettel avec ses 5 secondes de pénalité, ben, ça l'a pas tellement pénalisé finalement vu qu'il est revenu dans la course dans le top 5. Voilà. Alors que Bottas lui bon moi ben, ça l'avait bien pénalisé au contraire, ça l'avait bien pénalisé. Alors que par exemple, si on prenait le même incident avec un Bottas qui a été un peu malmené, on va dire mais sans plus et un Vettel qui aurait crevé un de ses pneus. Eh bien, voilà la pénalité là. Il s'est pénalisé lui-même, donc il n'y aurait pas besoin de mettre une pénalité en plus qui ruine en plus la course. Parce qu'il faut bien savoir ça, hein, je le répète. Mais les pénalités nuisent à la lisibilité de la course et sont très négatives sur l'impact que ça a sur les spectateurs, quoi. On l'observe et bon, ben, ça depuis des années. Bon donc bon, cette intention, j'espère qu'elle se traduira en réalité. On le verra dans les semaines à venir, au cours des grands prix suivants. Mais en tout cas. C'est une très bonne nouvelle et je souhaitais la saluer. Voilà, donc on en a fini avec les principales nouveautés de la saison et tout ça. Hein. J'en ai oublié, hein. J'ai pas été exhaustif, j'en ai conscience, mais déjà, là j'en ai eu pour bien, je verrai après montage, mais une grosse quarantaine de minutes, je pense, à parler de ça. Donc maintenant, on va enchaîner avec pêle-mêle des nouveautés, ensuite parler un peu des nouveautés qui concernent les écuries, parler de la saison, un peu, oui, un peu en détail, sans revenir sur chacun des grands prix. Hein, évidemment, vous le savez, c'est pas trop mon truc de faire des résumés de grands prix, mais voilà, revenir plus largement, plus globalement sur cette première partie de saison. Donc, tout d'abord, Alonso a participé aux 24 heures du Mans. On l'attendait. Pourquoi? Parce que j'avais déjà annoncé déjà, on l'attendait parce qu'il vise la triple couronne. Il a remporté le Grand Prix de Monaco. Et il veut remporter les 500 miles d'Indianapolis, il voulait remporter les 24 heures du Mans. C'est chose faite, il a remporté Pour sa première participation, comme Nico Hülkenberg en 2015, il remporte les 24 heures du Mans et c'est une performance assez formidable parce que vraiment ses relais étaient très rapides. J'ai vu des extraits, il était vraiment à la limite, mais c'était un truc de fou, il a impressionné tout le monde. Il était bien plus rapide que c'était qui? C'était Lopez. Que sur l'autre Toyota, à chaque fois les relais, il était plus rapide que Lopez. Donc c'était José María Lopez. Donc c'était vraiment vraiment une bonne performance, sachant qu'au début, au tout début, lors de ses premiers essais sur une monoplace, sur un prototype d'endurance, eh bien il était assez lent, hein, Alonso, assez lent, à peine plus rapide qu'un pilote français rookie, hein, je me souviens plus le nom, mais il y avait un pilote français rookie qui participait à ses essais également, et alors que Alonso avait des pneus bien plus performants, on va dire. Genre, il avait les super tendres et l'autre pilote avait les tendres, quoi, hein, pour faire une comparaison compréhensible. Donc voilà, donc il vient de loin, Alonso, et encore une fois, c'est un bosseur, c'est véritablement un gros bosseur, hein, pour arriver là. Et cette semaine de suite, là, je crois que Silverstone ce week-end, ça marque la 7e semaine de suite sans repos pour Alonso. 7e semaine de course, que ce soit endurance ou F1. Donc vraiment là, c'est une grosse performance. Et il s'est préparé pour cela. Il a prévu un programme très spécial pour conserver de l'énergie, pour qu'il ait le maximum d'énergie à mettre lors des week-ends de Grand Prix et le moins possible en dehors, tout en conservant une forme physique, une bonne forme physique, quoi, de sportif de haut niveau. Donc c'est très bien ce qu'il a fait. Et pour arriver à remporter 24 heures du Mans et avec autant de panache, c'est vraiment très fort. Donc bravo à Fernando Alonso. Il ne lui reste plus que les 500 miles d'Indianapolis. Peut-être l'année prochaine, en tout cas, nul doute qu'il va le tenter, hein, ça c'est sûr, à l'avenir, ça c'est sûr. Bon, ensuite, parlons de Sauber. Sauber, souvenez-vous, lors du précédent podcast, j'avais des doutes, je me suis dit, est-ce que Sauber va devenir la Ferrari numéro 2, en fait, avec notamment une Ferrari bis, en tout cas, avec le moteur Alfa, enfin, pas le moteur, mais avec le sponsor Alfa Romeo et le moteur Ferrari de cette année. Alors bon, on a des pistes, hein, avec le directeur technique Jörg Zander qui a été viré début mai et qui a été remplacé par Simone Resta, Simone Resta qui va le remplacer dès le 1er juillet. C'est une décision qui a été prise fin mai. Simone Resta, donc début juillet, on y est, début juillet, hein, donc le temps passe vite. Donc oui, il le remplace dès le 1er juillet, Simone Resta qui était donc à Ferrari. Voilà, donc encore une fois, des ponts qui se créent. Moi, attention à ce que Sauber ne devienne pas une filiale de Ferrari, là, ça serait dangereux pour le sport, comme je l'avais déjà dit. J'espère pas, en tout cas, bon, j'aurai l'occasion de reparler de la performance de Sauber un peu plus tard, et de voir ce qu'il y a de positif également. Mais voilà, en tout cas, pour ce qui est de nouveaux éléments de réponse concernant un point que j'avais évoqué dans un podcast précédent. C'est important également de faire suite au podcast précédent où je pose des questions ouvertes. Si je reviens pas dessus, c'est pas très sérieux. N'hésitez pas d'ailleurs à m'interpeller si j'oublie de reparler de certaines choses. C'est fortement possible. Il y a tellement de choses à dire quand on fait pas de podcast pendant 3-4 mois. Donc n'hésitez pas à me le dire et je le noterai bien précieusement pour en parler lors d'un prochain podcast. Et pour en parler avec vous également éventuellement sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter, hein, je suis ouvert. Mercedes, hein, qui a marqué un gros coup en France avec la nouvelle évolution moteur qu'on n'attendait pas, hein, Mercedes qui se plaçait en outsider avant le Grand Prix de France, qui disait ouais nous on est de toute façon c'est clair qu'on n'est pas favori en mettant évidemment la charge de la pression sur Ferrari, et finalement ils ont pu amener la nouvelle évolution moteur et ça a fait mal, ça a fait très très mal à Ferrari et aux pilotes parce qu'ils s'y attendaient pas. Et d'accuser le coup comme ça avec une Mercedes qui était vraiment beaucoup plus rapide que la Ferrari, c'était dur. Et ils ont enfoncé le clou en Autriche avec une évolution châssis qui a mis tout le reste du plateau à plus de 3 dixièmes. Et en Autriche, hein, vous savez, le tour il se fait en 1 minute 05 à peu près. Donc c'est vraiment, vraiment très dur. De faire des évolutions comme ça, comme Ferrari les pousse en fait à pousser la mécanique encore plus, tu vois, et ben ça peut provoquer quelques ennuis mécaniques, et ça a été le cas en Autriche avec les deux Mercedes qui ont abandonné. à la surprise générale, alors qu'elles étaient les grandes favorites de la course, tout simplement. On voyait mal comment d'autres écuries allaient pouvoir rivaliser. Et bien pourtant, ça a été le cas, avec les Mercedes qui ont abandonné avec des soucis mécaniques. Ce qui montre que la compétition est rude et que Mercedes comme Ferrari vont pousser et ça risque de casser du coup quand tu pousses la mécanique, des évolutions et tout. Parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que le travail sur les évolutions, c'est un travail qui, sur le banc d'essai, qui va consister à voir, à tester si l'évolution est fiable. Donc ils le savent que l'évolution en termes de performance est là, mais ils testent en fiabilité. Donc voilà, ils se disent, bon, bah, là, c'est fiable, on la met en route. Mais seulement quand une écurie adverse, par exemple Ferrari, commence à reprendre le dessus dans le championnat, évidemment, Mercedes sont obligés peut-être de précipiter un peu les choses et de mettre en œuvre des évolutions peut-être plus tôt que prévu. Et oui, parce que si Mercedes dominait la compétition depuis le début, ben, apporter l'évolution en Autriche ou un peu plus tard, bon, ben, ils s'en foutent, hein. Ils peuvent prendre le temps qu'il faut, là, non, ils le peuvent pas. Et Ferrari, c'est pareil, hein. Ferrari, c'est pareil. Et qui en profite à chaque fois, c'est Red Bull, évidemment. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc voilà, mais en tout cas, faire attention que Ferrari reste au niveau, hein. On le verra ce week-end à Silverstone si c'est le cas. Là, j'enregistre, on est le samedi, hein. C'est le samedi, j'ai pas encore vu les qualifs. D'ailleurs, on est le samedi, hein, du week-end de Silverstone pour bien vous remettre dans le contexte dans lequel je suis lorsque j'enregistre ce podcast. Hein. Parce qu'évidemment, il y aura des nouveaux éléments ce week-end qui viendront agréger ou pas ce que je viens de dire. En tout cas, qui viendront compléter les choses. McLaren, alors, il faut signaler qu'il y a eu une entrée début mars au conseil d'administration de la F1 de la part de McLaren qui avait droit depuis des années mais n'avait pas utilisé ce droit il me semble et là du coup ils l'ont utilisé donc ils ont accès évidemment à l'orientation stratégique, la gouvernance et aux grandes décisions. C'est le rôle du conseil d'administration, hein, ces trois fonctions. Donc c'est très important que McLaren puisse avoir et son mot à dire là-dessus évidemment. Et c'est évidemment très intéressant dans la perspective de 2021, où également McLaren a son rôle à jouer pour faire valoir leurs intérêts et ce qu'ils pensent serait bien pour la F1, même si, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, les écuries pensent avant tout pour elles-mêmes et un peu moins pour le sport dans sa globalité. Donc on va voir ce que ça donne. Williams, le bateau coule. Le bateau coule, hein, Williams, que ce soit en résultat sportif, on y reviendra tout à l'heure. Mais il coule également, oui, il coule avec les lieutenants également, avec l'organigramme. Hein. Le responsable aérodynamique Dirk De Beer et le designer en chef Ed Wood ont été virés cette saison. C'est logique, hein, parce que l'aéro est catastrophique. Le design général de la Williams est donc catastrophique aussi, parce qu'ils savent pas trop comment, par quel bout s'y prendre pour améliorer la chose. Et ils n'arrivent pas à rattraper leurs concurrents, qui s'éloignent de plus en plus d'eux d'ailleurs dans la hiérarchie. C'est compliqué, hein. Je l'ai vu au Grand Prix de France, c'était dur pour les Williams, hein. Très dur. Et du coup, l'ancien responsable aérodynamique de McLaren, Doug McKiernan, qui était donc responsable aéro McLaren entre 1999 et 2015, donc qui a connu les titres, qui a connu les passages à vide, qui a un peu tout connu, hein, dans l'ère McLaren, l'ère où il y était, donc il a beaucoup d'expérience, et bien il vient chez Williams en tant qu'ingénieur en chef. Et également Dave Witter qui va l'épauler. Donc voilà, ces deux hommes remplacent les précédents pour essayer de trouver des solutions pour limiter la casse pour la fin de saison et surtout pour 2019. Hein. Parce que là, 2018, ça semble quand même bien râpé pour l'écurie de Grove. Parlons un peu maintenant de la saison, hein, du début de saison et tout ça. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc entre Ferrari et Mercedes, pour l'instant, c'est plutôt à toi, à moi. Entre Hamilton et Vettel, ça se traduit comme ça au championnat en tout cas, avec Hamilton qui repasse devant Vettel, Vettel qui repasse devant Hamilton. Là, on sent qu'en termes de performance, c'est de plus en plus du côté de Mercedes que le vent tourne. On a eu des prémices en Espagne, mais ça a été surtout le cas en France, puis en Autriche en termes de performance pure. Par contre, attention, parce que les performances pures ne doivent pas faire oublier la fiabilité, comme j'ai dit tout à l'heure, et je souhaite vous rappeler McLaren-Mercedes en 2005, voilà. Avec Kimi Raikkonen qui nous a pas mal frustrés, je pense, en tant que spectateur. Mais voilà, attention à pas arriver à cette situation-là, d'avoir une monoplace très performante, mais peu fiable. Voilà, c'est toujours un compromis à trouver et un casse-tête les ingénieurs. Mais voilà, c'est très intéressant en tout cas de voir cette bataille entre ces deux écuries. Avec en plus Red Bull en arbitre. Red Bull en arbitre, et oui, parce que les erreurs et défaillances de Ferrari et de Mercedes se payent cash maintenant. Red Bull l'année dernière était un peu plus derrière. Voilà, c'est-à-dire que si Ferrari ou Mercedes commettaient des erreurs, ou des pilotes commettaient des erreurs, c'est pas grave, il n'y avait pas trop. Red Bull était peu là pour prendre pour saisir les occasions. Ça dépendait fortement des tracés. Cette saison, ça dépend un peu moins des tracés. Ils sont globalement dans le coup, et si une écurie fait une erreur ou un pilote fait une erreur devant, eh bien Red Bull est là pour amasser les victoires. 3 victoires de Red Bull sur 9 Grands Prix. 3 Ferrari et 3 Mercedes. Donc c'est une très bonne performance de l'écurie autrichienne. Et voilà, je vais citer par exemple la stratégie de Mercedes en Chine, qui s'est payé cash. La stratégie de Vettel en France, évidemment, son erreur. Vettel en Espagne et Hamilton au Canada. Donc voilà, il y a des différentes choses qui ont pu se passer et qui se payent cash, quoi. Red Bull, comment dire, est là pour ramasser les points. Par exemple, si Hamilton fait une erreur et se retrouve, fait une erreur, directement, t'as les deux Red Bull devant. Donc il va se retrouver quatrième ou cinquième. Donc il va marquer 12 ou 10 points, quoi, en gros. Et si devant, c'est l'adversaire direct qui remporte le Grand Prix, comme c'est arrivé, ben c'est direct 13 ou 15 points qui s'envolent, quoi. Donc on a des retournements de situation dans le championnat depuis le début, avec là, pour l'instant, Vettel qui a repris le leadership pour un point. Donc voilà, c'est très serré entre les deux pilotes. Il était d'ailleurs très content de son podium, hein, Vettel. Vettel qui a aussi effectué une erreur à Bakou. Une erreur à Bakou, enfin, c'était un restart. Il a voulu, comment dire, prendre l'avantage direct sur Bottas. Il me semble que c'était un restart. Ouais. Sur Bottas, il a perdu quelques positions. Bon, là, il n'y avait pas les Red Bull hein, derrière, mais il a perdu des points là-dessus. Et son départ en France, surtout, qui n'est pas sans rappeler son départ à Singapour. C'est-à-dire, il prend un risque inconsidéré pour la position en piste en tout début de Grand Prix. Ou un restart, par exemple, enfin, là, en début de Grand Prix, pour reprendre l'exemple de la France 2018 et Singapour 2017, et ça ne paye pas. Ça ne paye tout simplement pas, et ça donne une erreur, surtout, et c'est bête, parce qu'il perd de précieux points au championnat, et c'est ce qui peut lui faire perdre le championnat, hein, tout simplement. Donc faut qu'il fasse attention, Vettel. Après, je comprends, dans l'esprit de plusieurs pilotes, je comprends, parce que cette saison, c'est très dur de dépasser, ça peut être très dur de dépasser et de remonter en piste, parce que y a des perturbations aéro et tout ça, c'est très dur de suivre une monoplace. Donc, il faut l'opportunité la plus présente de dépasser, c'est au début qu'on peut dépasser son vis-à-vis. Alors qu'après, une Ferrari derrière une Mercedes, c'est un peu plus compliqué, quoi. Il faut vraiment un différentiel d'usure de pneus, par exemple, ou de performance des monoplaces, mais c'est assez proche entre Ferrari et Mercedes, donc c'est compliqué. Bref, du coup, les pilotes prennent des risques, les pilotes de pointe prennent des risques au début. Mais ça n'en vaut pas la chandelle, je pense. Ça n'en vaut vraiment pas la chandelle. Il y a plus à perdre qu'à gagner. C'est bien ce qu'il faut se rendre compte. Hein. Il aurait pu être dans l'abandon, Vettel, hein, suite à cet accrochage, hein, carrément. Et perdre beaucoup plus qu'une quinzaine de points. Ça, c'est sûr, il aurait pu perdre 25 points. Donc, faut faire attention. Et je pense qu'il faut qu'il mesure cela. Et faut qu'il fasse attention. Hein, parce qu'il faut regarder plus large. Faut regarder au niveau du championnat. Donc voilà, faut faire attention. Du côté de Max Verstappen, pilote Red Bull, il a remporté un bon Grand Prix, hein. Il a remporté le Grand Prix d'Autriche, hein, à la maison pour Red Bull, et à la maison quasiment pour chez lui, tellement il y avait de supporters néerlandais. Mais voilà, il a fait 3 bons Grands Prix de suite, là, les 3 derniers. Ça, on lui enlève pas. Mais tous les autres Grands Prix d'avant, tous les autres, donc ça en fait 6, je crois, 6 Grands Prix, à chaque fois des crashs, à chaque fois des erreurs, c'était vraiment plus possible, quoi. C'était plus possible. Il a perdu un nombre de points hallucinant, il a fait perdre un nombre de points hallucinant à son écurie, et c'est dommage, quoi. C'est dommage même à son coéquipier. Si on reprend l'incident de Bakou, où il est en partie responsable, quand même, en grande partie responsable. Donc c'était vraiment mauvais, c'est vraiment mauvais. Et là, je souhaite souligner, comment dire, l'hypocrisie des médias qui l'ont descendu. Alors moi, je suis OK pour dire que voilà, Verstappen, début de saison catastrophique, pas au niveau, que Daniil Kvyat a été remplacé pour bien moins que ça, et que voilà, il fallait qu'il soit redressé. Il s'est attendu Monaco avant que Horner fasse une déclaration et dise ouais, Verstappen, il doit peut-être prendre exemple sur son voisin de paddock, là, sur Ricciardo, qui lui est beaucoup plus propre et voilà. Enfin bref. Qui prennent exemple sur Ricciardo. C'est la première fois que je voyais à l'intérieur de Red Bull quelqu'un déclarer quelque chose de négatif sur Verstappen et lui dire de changer. Ça n'a pas plu à Verstappen, ça c'est sûr. Il veut surtout pas qu'on entende parler de ça. Mais bon, c'est vrai qu'après Monaco, Verstappen il avait un discours aussi un peu plus posé. Il se disait bon ben c'est pas changer mon pilotage, mais dans certaines situations évaluer les choses pour peut-être prendre moins de risques, en tout cas pas faire certaines actions, voilà. Donc à Monaco, il a été à Monaco durant le Grand Prix, en tout cas, il a été propre sur ses dépassements et tout, pas de souci. C'est surtout son crash en troisième séance d'essai libre qui était vraiment débile, surtout qu'il fait la même chose en qualification il y a 2 ans, donc il n'apprend pas de ses erreurs. Évidemment, les autres pilotes l'ont descendu, ben c'est normal. Hein, à chaque fois que les pilotes ont voulu essayer de l'aider, on va dire, Verstappen les a envoyés chier, on va dire. Donc c'était un peu compliqué. Donc Max Verstappen, vraiment, heureusement que ses 3 derniers Grands Prix ont été très bons de son côté, très propres. Mais faut qu'il continue comme ça, parce que sinon Red Bull, ils vont pas hésiter. Hein. Red Bull, attention, hein, ils sont sévères avec leurs pilotes. Ils n'hésitent pas à remplacer s'il y a un pilote qui n'est plus là, qui crée une image négative ou quoi. Même s'ils l'ont porté contre vents et marées et tout ça. Mais voilà, donc je parlais de l'hypocrisie des médias. Pourquoi? Parce qu'ils le descendent. Ils l'ont descendu pour créer du buzz, parce qu'ils savent qu'ils tapent Verstappen, crash, ils savent qu'il va y avoir plus de clics, quoi. Donc voilà, ils y vont, ils le taillent. Mais ça n'a aucune cohérence avec tout ce qu'ils ont fait depuis le début, où ils lui ont passé la crème, ils lui ont passé la cire et tout ça, la pommade, ils l'ont caressé, ils l'ont brossé dans le sens du poil tout le long, malgré ses erreurs que je soulignais. Et je soulignais également ses exploits, mais vraiment, vraiment, c'est l'hypocrisie juste pour faire le buzz, le clic, faire vendre. Ça, je déteste, quoi, je déteste. Donc, ils sont hypocrites. Et je vous ramène à l'émission où je parlais des médias, justement, l'avant-dernière émission d'Analyse F1, où je parlais justement des médias, et je parlais justement, un peu comme une prophétie, hein, quelque part, mais où je disais que justement, les jeunes pilotes, attention, ils sont portés par les médias et tout. Attention, parce que dès lors qu'il y aura un caillou dans la chaussure, ils n'hésiteront pas à faire tout l'inverse et à les descendre. Et du coup, faut que les pilotes vraiment ils soient protégés face à ça et qu'ils fassent attention, quoi. Et on a vu Verstappen vraiment affecté. Hein, il y a quelques grands prix, il y a une conférence de presse vraiment affectée. Hein, j'ai eu peur qu'il perde les pédales sur la piste aussi, mais non. Heureusement pour lui, heureusement pour nous également. Ça fait plaisir de voir un pilote qui pilote rapide qui réussit, qui fait des belles choses, mais voilà, franchement, l'acharnement médiatique, en totale contradiction avec la ligne éditoriale, avec tout ce qui a été fait avant, enfin la seule ligne éditoriale de certains, de beaucoup même, c'est de faire du clic, quoi. Quitte à ne pas être cohérent du tout dans l'approche, dans la réflexion, c'est ça. Personnellement, j'essaye de plutôt être cohérent dans ma réflexion, dans mon analyse, et voilà, si Verstappen il fait des conneries, je le dis, s'il fait des exploits, je le dis. Grand Prix d'Autriche, parfait ce qu'il a fait. Gestion des pneus meilleure que tous les autres. Vraiment, vraiment très très bonne, très très bon rythme également. Vraiment, il a très bien géré. Parfait, parfait. La victoire est méritée, il n'y a pas de souci. Les autres Grands Prix avant, il fait des très bons Grands Prix également. C'est nickel. Ouais, Grand Prix de France, là où il a un bon rythme également derrière Hamilton. Même si voilà, la Mercedes était loin devant et gérée, mais Verstappen était bien. Parlons de McLaren, hein. Continuons dans les choses qui fâchent, hein. McLaren, qui réussissent l'exploit de régresser au cours de la saison. On l'a vu au Grand Prix de France, on l'a vu en Autriche aussi, où c'était pas joli. Heureusement qu'Alonso a fait une course monstre, en tout cas. Alonso, heureusement qu'il est là, hein, parce que sinon McLaren aurait très très peu de points. Même si Vandoorne n'est pas mauvais, mais il n'est pas à la hauteur, vraiment. Il progresse, mais il est effacé par Alonso et c'est pas au niveau d'Alonso. En même temps, c'est très dur d'être aux côtés d'Alonso. Mais voilà, Alonso, ouais, dernier Grand Prix d'Autriche, il part des stands, il finit 8e. Hein, avec une monoplace vraiment pas très bonne. Vraiment pas à la hauteur des attentes d'avant le début de saison. Quelques mois avant, il disait, c'est bon, McLaren avec Renault, on revient, on a le meilleur châssis, on revient, on aura un moteur qui marche cette fois-ci et pas ce Honda là. Ouais, bon, on voit cette année qu'il y a eu beaucoup de soucis mécaniques également et que en termes de performance, c'est pas ça à part. Sur certains circuits, ça allait mieux, hein, il faut le dire, en termes de performance globalement, ça va mieux, mais c'est loin du top 3, hein, très loin du top 3. Et pour être quatrième, il va falloir y aller parce que Renault est beaucoup plus régulier, parce que Haas est également dans le coup. Et par moment, Sauber est là aussi avec Toro Rosso, même si Toro Rosso semble un peu diminué, mais bon, c'est quand même compliqué, hein. Donc McLaren, attention, on attend de voir, hein, également ce que Alonso va faire la saison prochaine. On le voit mal rester, franchement, je le vois mal rester chez McLaren. Ça semble compliqué. Il y a Eric Boullier qui a démissionné là il y a quelques jours d'ailleurs, parce que ça se passe vraiment mal chez McLaren. En plus, il y a des gros soucis au niveau, on va dire, droit du travail. Là, c'est un peu l'aspect juridique des choses, hein, qui vient dans l'émission. Mais il y a pas mal d'employés qui donc se sont plaints en lettres anonymes des conditions de travail, du fait que c'était vraiment scandaleux, leur prime, c'est, je sais plus, c'est pas une sucrerie, mais une friandise ou je sais plus quoi. Enfin, une gourmandise, enfin. Vraiment, McLaren se fout de la gueule de ses employés dans l'usine à Woking. Et c'est scandaleux de voir une grosse écurie faire ça, quoi. Donc là, ça commence à bien faire. Il y a Gilles De Ferran qui a pris les commandes en directeur, une sorte de directeur sportif chez McLaren. Gilles De Ferran qui était pilote IndyCar. Hein. Donc peut-être que ça indique aussi que McLaren va aller en IndyCar la saison prochaine pour toute la saison. Peut-être aux côtés d'une écurie installée là-bas, on va voir, mais en tout cas là, cette saison, ça ne va plus. Et rien ne va plus dans tout le bateau McLaren là. Donc voilà, là ça se matérialise avec la démission par exemple d'Eric Boullier. Il y a peut-être d'autres têtes qui vont tomber. En tout cas, une réorganisation qui s'impose de fond en comble, hein, chez McLaren. Donc voilà ça. Et pour retrouver le plus haut niveau, il y a des déclarations chez McLaren qui ont dit ça mettra entre 2 et 10 ans. Donc voilà, cette fois-ci, ils sont moins optimistes et moins arrogants, un petit peu moins là, parce qu'ils voient aussi qu'il y a un scandale, hein, qui pointe avec ces employés là qui ont des conditions de travail vraiment vraiment pas bonnes au niveau des horaires également. Enfin, je vous renvoie à certains articles qui ont été publiés. C'est affligeant. Si c'est avéré, c'est affligeant. Et j'invite vraiment ces employés à aller faire une procédure ensemble devant les tribunaux, parce que McLaren, ils méritent qu'une chose, c'est qu'on leur tombe dessus, parce que des années d'arrogance, des années à trouver des boucs émissaires, alors que c'est eux vraiment qui ne se remettent pas en cause et qui font tout plonger, vraiment, ben, c'est un peu Dieu qui les punit, on va dire, hein, pour ceux qui sont croyants, c'est un peu ça l'idée. Au milieu de tableau, vous l'aurez compris peut-être en m'écoutant, le milieu de tableau est relevé, et en regardant les courses évidemment, mais si vous n'avez pas trop suivi la saison, je vous le dis, le milieu de tableau est très relevé, et c'est ce qui indique également une bonne compétition à ce niveau-là, et un bon intérêt à suivre le championnat du monde cette année, avec l'écurie Renault, donc qui se démarque, qui avec Carlos Sainz et Hülkenberg, qui est plutôt une bonne paire, et réussit à se hisser dans les points régulièrement avec deux voitures, et de manière très régulière, plus régulière que les autres. Du côté de Haas, de leur côté, ça aurait pu être plus régulier. Malheureusement, il y a eu des grosses erreurs de la part de Romain Grosjean. Cette saison qui revient à son niveau de 2012, à son niveau d'erreur, c'est triste quand même. Et il avait 0 point jusqu'au Grand Prix d'Autriche, où là, il a vraiment marqué fort. Il a marqué directement 12 points. Voilà les meilleures performances de Haas. Il lui fallait ça, hein, pour reprendre du poil de la bête, mais là il était vraiment avec les ennuis au premier virage, le Grand Prix d'Autriche par exemple, des crashs de tous les côtés, des grosses erreurs, des grossières erreurs comme à Bakou, où il se crash durant le safety car, bref, un peu des erreurs de partout et 0 point à la clé avec un Kevin Magnussen qui le domine. Alors comment expliquer cela? Comment expliquer qu'un Romain Grosjean qui ces différentes années était à la hauteur, dominait ses coéquipiers et effectuait des exploits? Le podium en 2015 avec Lotus par exemple, la fin de saison en 2013 où il est vraiment le deuxième homme du plateau alors qu'il a pas la meilleure monoplace, quoi, et où il s'affirme vraiment. Moi je vous invite à aller voir cet article, très bon article, qui a été rédigé sur Motorsport Prime. Donc Prime, ça veut dire qu'il faut payer malheureusement pour lire l'article. Moi j'avais bénéficié d'un code qui avait été publié sur le Twitter de Alonso pour avoir accès aux articles Prime gratuitement pendant quelques mois. Mais voilà, cet article est très intéressant. Selon moi, il analyse parfaitement le cas Romain Grosjean. Romain Grosjean, un pilote très rapide, capable de faire partie même des tout meilleurs quand toutes les conditions sont réunies. Toutes les conditions réunies, ça veut dire l'écurie qui le soutient à fond. Donc ça n'a pas toujours été le cas avec Haas, hein, avec ben oui, forcément, il n'est pas forcément dorloté tout le temps, Grosjean. Il faut aussi qu'il prenne sur lui et qu'il y aille, mais il est... Voilà, il faut qu'il soit dorloté comme c'était le cas à l'ère Lotus avec Eric Boullier et tout ça. Que aussi la voiture soit réglée comme il le souhaite, comme son pilotage le souhaite. Pas forcément le cas avec Haas aussi cette année. Et du coup, quand il n'y a pas ces conditions réunies, eh bien c'est le contraire. Il commence à vaciller, il n'est pas bien psychologiquement, ça commence à vaciller, même s'il est toujours, il me semble, suivi par un psychologue sportif. C'était son initiative d'ailleurs suite au souci de 2012. Et là, 2018, ça recommence. Il y a eu beaucoup de points de perdus pour lui, pour son écurie, à ce qu'il devrait être dans la lutte pour la quatrième place, là, hein, carrément. Hein. Il y a eu des erreurs également du côté de l'écurie, hein, avec le changement de pneus, là, en Australie, où normalement, il devait être quatrième et cinquième, les As, et finalement, deux abandons. Donc, ça fait une grosse vingtaine de points de perdus également. Mais voilà, l'un dans l'autre, As pourrait être la quatrième écurie du plateau. En tout cas, pour l'instant, je crois qu'ils sont cinquième. Et pour rattraper Renault, ça va être compliqué. Pas injouable, hein, pas injouable, mais compliqué. Et sinon, que dire? Oui, Romain Grosjean, pilote qui peut faire partie des meilleurs quand tout est réuni. Mais s'il y a un petit caillou dans la chaussure, non, ça peut très mal se passer. Et bon, là on voit, il y a des déclarations du côté de Haas où le soutien est renouvelé, mais il faut vraiment que ce soit fait concrètement à ses côtés. Voilà ce que l'écurie n'a pas forcément à faire envers son pilote normalement. Normalement, c'est au pilote d'être performant et d'être assez, on va dire, solide pour pouvoir s'adapter. Et c'est ce qui lui manque, Grosjean, en fait, pour atteindre le très très haut niveau des Hamilton, des Vettel, quoi. D'avoir cette capacité d'adaptation quand il y a un petit caillou dans la chaussure. Grosjean ne l'a pas, et au contraire, ça le plonge. Mais si jamais Haas aussi souhaite marquer le plus de points possible, il faut caresser Grosjean dans le sens du poil, parce qu'ils savent qu'ils ont un petit joyau, là, Romain Grosjean, que s'il est bien poli, eh bien, il va faire des grandes choses, et il peut même leur faire... il peut même se hisser sur le podium si tout est bien fait. Donc voilà, Magnussen fait une très bonne saison, sinon j'en parle pas assez, mais il fait une très bonne saison, donc ça fait plaisir. J'avais mentionné cette problématique dans le podcast d'avant-saison, je crois que c'était le dernier podcast d'ailleurs, donc c'est intéressant de suivre ça également, la bataille interne entre les deux. Les deux semblent bien s'entendre, ceci dit, mais bon, faut voir, hein. Faut que Grosjean il poursuive sur sa lignée du Grand Prix d'Autriche, évidemment, et qu'il arrive à s'adapter ou qu'on change quelque chose par rapport au réglage de la voiture, je sais pas, mais... On verra. Grosjean, c'est ça. Ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Hein. C'est assez compliqué. Assez compliqué. En tout cas, il s'est pas mis dans les meilleures dispositions pour bien se montrer au vu des écuries top. Parce que du coup, il montre une irrégularité, une inconstance. Il remontre ça alors que ça faisait des années qu'il n'avait pas montré ça quand même. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. J'espère quand même pour lui que ça va pas trop lui porter préjudice. Du côté de l'écurie Sauber, alors là c'est la surprise, il y a une progression par rapport à 2017, ça on l'attendait, parce que le moteur cette fois-ci il a pas un an de retard, il est actuel, le moteur Ferrari de 2018 avec les évolutions, donc potentiellement peut-être le meilleur moteur du plateau, enfin en concurrence avec le Mercedes évidemment, et en plus pendant la saison ils arrivent à progresser en apportant des évolutions sur leur monoplace, donc la monoplace est plutôt bien faite, quoi. Permet des évolutions qui marchent. Et en plus, ils ont une pépite. Là, c'est une pépite, c'est Charles Leclerc. Charles Leclerc, le pilote monégasque, qui fait des choses folles. Franchement, il arrive à marquer des points régulièrement sur ses derniers Grands Prix. Et en plus, c'est un pilote très humble. Il ne se laisse pas griser par le succès. Au contraire, il dit à chaque fin de Grand Prix, il le dit, puis il l'assume. Il dit, ouais, je sais que je suis négatif, mais... Oui, il est négatif parce qu'à chaque fois, il pointe ce qu'il pourrait améliorer. Ça, c'est très bien. C'est très bien pour un jeune pilote qu'il ait les pieds sur terre, qu'il souhaite encore progresser, qu'il voit encore, on va dire, un potentiel une marge de progression, parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui arrivent en F1 et qui disent « Ouais, moi, je suis assez rapide pour être champion du monde, je le sais, vous pouvez me mettre dans cette écurie, je suis prêt. » Leclerc, il est là, il dit « Bon, moi, je fais mon travail du mieux que je peux avec Sauber, déjà. Évidemment que j'aimerais bien être un jour à Ferrari. » Mais voilà, j'ai beaucoup de choses à améliorer avant, etc. Bref, voir un pilote assez humble, jeune et tout, une bonne tête, il est sympathique, il est populaire, je l'ai vu au Grand Prix de France, pilote populaire, et ben, Et je comprends pourquoi, il attire la sympathie à des bonnes raisons, quoi. Ses performances sportives, son humilité également. Évidemment, il a connu, c'est un très bon ami de Jules Bianchi, un peu un disciple de Jules quelque part. Sans Jules Bianchi, il n'aurait pas été en F1. Charles Leclerc, donc évidemment, ça rappelle tout ça, donc c'est un capital sympathie énorme pour le public français. Il est francophone, aussi. Donc voilà, il est très très bon, surtout ses performances sportives qu'il faut mettre en avant. Il est très fort, très rapide, exploit sur exploit. Il a atteint la Q3 avec une Sauber. Écoutez bien ça. Si ça vous suffit pas, je ne comprends pas. Q3 avec une Sauber, évidemment, il surdomine Ericsson, qui n'est pas là, mais c'est normal. Ericsson, c'est pas un très très bon pilote, quoi. C'est un bon pilote, mais au niveau de la Formule 1, non. Il devrait pas être là du tout. Mais voilà, Leclerc, du coup, on arrive quand même à mesurer les exploits qu'il produit. Son écurie le confirme et tout, et à en voir la joie de l'écurie, c'est vraiment que normalement la Sauber ne devrait pas être là, mais Leclerc arrive par son pilotage à la mettre là. Donc c'est vraiment très fort. Nous continuons avec Force India. Force India qui était la force montante de ces dernières saisons et très surprenante, notamment la saison dernière où vraiment ils avaient fait un gros pas en avant, bien épaulés par leurs deux pilotes en plus, que sont Esteban Ocon et Sergio Pérez, avec une rivalité farouche hein, entre les deux pilotes. C'était l'écurie la meilleure des autres, hein, tout simplement, la saison dernière. Et cette saison, c'est un peu plus difficile. Hein. Il faut dire que ça s'est resserré au milieu du tableau. Forcément, les écuries puissantes, financièrement plus puissantes que Force India, eh bien, sont remontées dans la hiérarchie. Et Force India, de son côté, eh bien, sans être devenue plus mauvaise ou quoi que ce soit, mais justement, a un peu plus accusé le coup. Et c'est un peu plus difficile maintenant de se hisser dans les points, même s'ils y arrivent plutôt régulièrement. Mais C'est plus difficile. Ils sont beaucoup moins réguliers que d'autres écuries, comme Renault par exemple, ou même comme Haas en termes de performance. Et c'est assez compliqué. Après, on notera quand même la forte progression de Esteban Ocon, notamment en qualification, où il arrive très souvent à prendre le dessus sur son coéquipier mexicain. Et sinon en course, c'est un peu à toi à moi, un peu comme la saison dernière, mais voilà, des bonnes performances d'ensemble de la part de Force India, avec quand même un podium, hein, il faut le signaler. Encore Sergio Pérez, hein. L'opportunisme de Sergio Pérez en termes de podium pour Force India, c'est fou, hein. L'écurie peut vraiment le remercier parce que pour tous ses podiums ces dernières saisons, à chaque fois qu'il y a eu une opportunité, il l'a saisie. Et ça, c'est ce qui fait la marque également des grands pilotes, hein, Sergio Pérez, hein, qui mériterait d'être courtisé aussi par les top teams. C'est vrai. Esteban Ocon aurait pu prétendre à un résultat similaire, puisqu'il était bien placé au départ, mais il a décidé de faire preuve d'un peu trop de zèle au départ, en essayant de jouer au coude à coude avec Kimi Raikkonen, alors que ça ne servait à rien. De toute façon, il n'aurait pas mené la même course du tout, vu la différence de performance entre la Ferrari et la Force India. Donc c'était vraiment très peu intelligent de la part du pilote français de tenter le tout pour le tout à l'extérieur dans un virage à 90 degrés assez étroit. Et du coup, il a dû abandonner le français. Et c'était dommage parce que, oui, vu ce qu'a fait son coéquipier, il y avait vraiment une possibilité pour Esteban Ocon de signer également peut-être un podium ou une quatrième place, en tout cas de faire de gros points pour lui et son écurie. Donc c'est dommage. Mais sinon, globalement, il fait une bonne saison, le pilote français, ça c'est sûr. Du côté de Toro Rosso Honda, et oui, Toro Rosso Honda, c'était un peu la surprise du tout début de saison. On s'attendait pas à de telles performances. Ça a pu arriver par le passé de la part de Toro Rosso, mais ce qui était plus surprenant, c'était de la part de Toro Rosso Honda. On pouvait s'attendre à des gros soucis de fiabilité au début de saison, et eh bien non, ça tournait comme une horloge dès le début, arrivant même à battre McLaren par moment, ce qui était un peu honteux pour McLaren. Mais voilà, ça marche plutôt bien. Bon, après, le Honda accuse encore le coup, mais moins, mais beaucoup moins. Il faut vraiment qu'il y ait un circuit avec des longues lignes droites et beaucoup de lignes droites pour que Toro Rosso pêche un peu en termes de performance, hein. Par exemple, au Grand Prix de France, où il y a, je crois, plus de 70% en pleine charge. Silverstone également. Bon, Monza, ça va être sûrement le cas, ça c'est sûr. Enfin bref, pas mal de Grands Prix comme ça. Sûrement Spa également, ça risque d'être compliqué, même si le circuit est très atypique. Voilà, des circuits comme ça, c'est plus compliqué. Mais hormis ceux-ci, les autres circuits, eh bien, ça va bien. Le Honda, quand même, marche mieux. Enfin, marche mieux, en tout cas, en étant associé à Toro Rosso qu'avec McLaren. Donc, tant mieux pour les deux parties, hein, l'écurie et le motoriste. Également Pierre Gasly, hein, Pierre Gasly qui fait preuve d'une progression, vraiment une grosse progression. L'année dernière, avec Brendan Hartley, en fin de saison dernière, c'était assez serré, on va dire. Là, cette saison, petit à petit, Gasly a pris le dessus et là, il domine littéralement Brendan Hartley depuis bien 5 Grands Prix, que ce soit en termes de rythme, en termes de course, etc. Et Brendan Hartley, c'est quand même quelqu'un qui a remporté les 24 heures du Mans, qui a de l'expérience, même si en termes de pointe de vitesse pure, il n'est pas là. Donc Pierre Gasly qui domine Brendan Hartley et qui a signé en début de saison au Grand Prix de Bahreïn une très belle 4e place, qui est donc le meilleur résultat de Toro Rosso depuis la victoire de Sebastian Vettel en 2008 à Monza. Donc c'était vraiment vraiment une performance très forte de la part du pilote français. Donc du coup, début de saison assez bien pour Toro Rosso, où justement Gasly a pu s'exprimer. Ensuite, Toro Rosso est progressivement rentré dans le rang et a du mal à dépasser la 12-13e place. C'est un peu plus compliqué, même si en course, il y a des opportunités du fait du resserrement du tableau au milieu de peloton. Mais c'est un peu plus compliqué quand même d'entrer dans les points. D'où justement également Gasly qui a pu s'exprimer face à Hartley et qui le domine littéralement, il le mange, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, il y a des fortes rumeurs de remplacement de Brendan Hartley qui sont pas forcément démenties de façon sèche par Toro Rosso. Et on va voir les possibilités qui sont envisagées. Un remplacement cours de saison serait dur pour le pilote. Pour Brendan Hartley, mais peut-être la saison prochaine. Là, oui, c'est vrai que Red Bull fait pas dans la dentelle. Donc, il va falloir qu'Hartley se bouge en deuxième partie de saison pour signer des bonnes performances pour son équipe. Et enfin, terminons ce petit retour vu rapide, hein, sans rentrer trop dans les détails sur les écuries avec Williams. Et oui, Williams. Donc voilà, comme je l'avais dit, le bateau coule. C'est assez honteux, hein, leur performance. Là, parlons de leur performance. Un peu plus précisément au niveau sportif, c'est assez honteux, un team historique, hein, Williams, avec de nombreux titres, constructeurs, pilotes. On le voit, hein, Clark Williams a de plus en plus de mal à cacher son agacement, mais quand même le team se montre, essaye de se montrer assez humble et ne pas trouver de bouc émissaire, c'est-à-dire ils n'accusent pas ses pilotes, hein, ils le savent, c'est eux qui ont produit une mauvaise machine et du coup ils ont pris des mesures relatives à ces performances et ils n'ont pas viré les pilotes. Les pilotes, il faut le dire, ils n'y sont pas pour grand chose, même si ce ne sont pas non plus des foudres de guerre forcément, ce ne sont pas des mauvais pilotes non plus. Alors Sirotkin, il vient avec la valise de billets certes, mais en GP2 et Formule 2, il a fait 3e durant 2 années de suite avec des performances assez fortes épisodiquement. Bon là cette saison il se fait quand même pas mal manger par Lance Stroll, mais bon c'est pas non plus hyper net. Lance Stroll de son côté, bon bah il fait des très bons départs, hein, Lance Stroll, il faut le noter. C'est vraiment un pilote qui fait des très bons départs. Alors l'année dernière j'avais des doutes, c'était le pilote qui avait gagné le plus de place au départ durant toute la saison, mais je me disais c'est aussi parce qu'il avait fait des très mauvaises qualifs comparé à la valeur de sa monoplace. Là, cette saison, il fait des qualifs à la hauteur de son monoplace, c'est-à-dire des mauvaises qualifs, quoi. Il a pas trop le choix. Et là, au départ, il arrive quand même à s'en sortir et à doubler plusieurs pilotes. Souvent, il se retrouve 12e au premier tour, alors qu'il est parti 18e ou 19e, et sans avoir d'accident, en étant très propre. Donc, il faut vraiment souligner cette qualité de la part du pilote canadien. C'est vraiment fort. Du côté de Sirotkin, c'est dur. C'est très dur. Notamment quand j'ai vu le Grand Prix de France, c'était très dur, hein. Il y avait son coéquipier, je crois, qui avait subi une pénalité, Lance Stroll, et Sirotkin qui normalement devrait être devant, et ben finalement il était pas si devant que ça, voire même derrière, je me souviens plus, mais en tout cas il était pas où il devait être, donc le rythme était assez faible de la part du pilote russe. Mais c'est compliqué d'évaluer ces pilotes dans une telle écurie. C'est comme à l'époque quand vous aviez l'écurie Acharté. Hein. C'est une comparaison. Comparer Williams à Acharté, ça fait mal, mais c'est vrai que là, c'est l'écurie de fond de tableau, Williams. Hein. Littéralement, ils ne sont nulle part en termes de performance. Hein. Comparé aux autres écuries, c'est assez grave. Hein. C'est assez grave. Et ce qui est le plus décevant, c'est de la part de Padillo. Padillo qui donc vient de Mercedes, qui vient de McLaren également, qui a une grande expérience et qui, sur ses dernières expériences, comme je l'avais déjà dit dans un autre podcast, a aidé, en tout cas, a contribué à produire des monoplaces qui ont gagné des courses ou voire gagné des championnats. Et là, chez Williams, il n'y arrive pas, quoi. Il n'y arrive pas. Donc, est-ce qu'il faut également débarquer Padillo du navire? Je ne sais pas. Je pense qu'ils attendent peut-être la fin de saison ou peut-être qu'il n'a pas eu trop son mot à dire sur la monoplace 2018. Il l'aura plus sur la monoplace 2019. Je ne crois pas pourtant, mais bon, il faudra voir cela. En tout cas, Williams, on espère les voir mieux la saison prochaine parce que cette saison, elle est foutue. Ils peuvent faire une croix dessus et directement mettre l'investissement sur la monoplace de 2019 parce que là, ça va vraiment plus. Et ne pas surtout charger trop les pilotes, quoi, vraiment les soutenir parce que c'est compliqué avec une monoplace très difficile à conduire. C'est compliqué. Alors certes, il y a Robert Kubica qui attend au portillon, mais est-ce qu'il pourrait faire grand-chose de plus? Je ne crois pas avec cette monoplace. Robert Kubica qui pourtant a eu un diagnostic assez clair hein, quand il l'a piloté la monoplace, il a dit bon bah il y a ça, ça et ça qui vont pas. Voilà tout simplement, il a directement vu ce qui allait pas. Ça met aussi la pression de voir un troisième pilote qui voit directement ce qui va pas et apporter un retour comme ça à l'écurie alors que peut-être les jeunes pilotes n'ont pas justement l'expérience qui leur permet d'aider au développement de la monoplace autant que peut-être pourrait le faire Kubica. Mais voilà, c'est dommage pour Williams. Sinon, au niveau des Grands Prix, au niveau du spectacle, etc., on a vu à la fois des Grands Prix palpitants, comme le Grand Prix de Chine, le Grand Prix de Bakou, avec des rebondissements, des stratégies qui ont joué, des dépassements en piste, et d'autres qui étaient tout l'inverse. Donc, par exemple, le Grand Prix de France, où on a vu des pilotes qui étaient à l'économie en termes de moteur. Alors, justement, c'était une question qu'on pouvait se poser, que l'on se posait en début de saison, avant le début de saison, j'en parlais dans un podcast. Est-ce que les déclarations de Renault, là, notamment dans le Opto Hebdo, dans le guide F1 d'Opto Hebdo, est-ce que ces déclarations allaient être vraies ou pas? C'est-à-dire, pour rappel, il y avait un cadre de Renault qui disait que cette saison, il n'y aurait pas vraiment, on verrait pas vraiment d'économie moteur. Que voilà, la technologie est comprise et qu'il n'y a pas de souci. Et bien pourtant, au vu des déclarations des pilotes et autres, on a vu qu'au Grand Prix de France, il y a eu de l'économie, de la course à l'économie moteur pour justement pas péter le moteur et pouvoir voilà, tout simplement garder le moteur intact et finir la course. Donc voilà, c'est assez triste de voir ça encore. C'est signe qu'il faudrait peut-être qu'il y ait quelques Grands Prix en moins. Garder la réglementation actuelle, mais avec des grands prix en moins, là, 21 grands prix, c'est trop pour les machines, pour les hommes et également pour le spectacle hein, et pour la course en elle-même. Quand ça affecte la course, c'est forcément négatif. C'est mon credo depuis 6 ans que je vous le dis. Bref, ouais, j'espère qu'il y aura des grands prix en moins et non pas qu'on aille dans la folie de grands prix en plus parce que là, ça serait négatif. Ce serait négatif à ce niveau-là et ça se ressent en course. Tout simplement. Sinon, oui, je voulais également, en énonçant le fait qu'il y ait des Grands Prix palpitants et d'autres un peu moins, ou voire beaucoup moins, hein, comme le Grand Prix du Canada. C'est plutôt le Grand Prix du Canada, je crois, ou non, ouais. Plutôt le Grand Prix du Canada, pas le Grand Prix de France où il y a eu de l'économie moteur, il me semble. Bref, arrivé au 6-7e Grand Prix, comme ça fait à peu près un tiers de la saison, ou au 14-15e Grand Prix, voilà, c'est là où on voit de l'économie moteur. Et c'est un peu négatif. Bref, il y avait les médias donc qui sont pas cohérents et qui veulent créer du buzz et faire vendre et qui partent d'un coup dans le oh là là la F1 est chiante, il faut tout de suite changer le règlement, c'est pas possible. Alors qu'ils oublient, ils ont un peu c'est un peu le poisson rouge qui tourne autour du bocal. C'est pour reprendre l'expression parce que sachez, et oui sachez, le saviez-vous, le poisson rouge en fait a une mémoire d'un mois. Et oui. Donc c'est un peu faux. Mais bref, pour reprendre l'expression, c'est un peu ça les médias. C'est-à-dire qu'on a vu des super grands prix, et puis si juste après il y a un grand prix chiant, direct il faut tout changer dans la F1. Non, faut surtout pas faire ça, faut surtout pas que les instances les écoutent, parce que ça serait très négatif pour le sport de prendre des mesures comme ça, des mesures, on va dire, juste parce qu'il y a eu un fait de course, enfin juste parce qu'il y a eu une course un peu plus ennuyeuse, non. C'est un peu comme quand il y a un fait divers, et que tout de suite on veut légiférer dans le pays, quoi, et c'est pareil, c'est généralement... C'est la chose à ne pas faire, voilà. Juste pas se faire influencer par les médias de ce côté-là, je pense. Et tout ira bien. Il vaut mieux prendre le temps de la réflexion, prendre du recul et analyser la chose le plus justement possible. Certes, il y a des choses à améliorer en F1, mais de là tout changer, non, il faut pas. Je pense quand même que les mesures qui ont été prises pour que les monoplaces aient vraiment ce look-là, cette rapidité-là, les pilotes adorent ça, pouvoir aller vite dans les virages rapides, se prendre léger et tout, que ce soit un défi encore plus physique qu'avant, et qu'il y ait des records en piste qui soient battus cette année, encore une fois, tous les records de piste qui soient battus, c'est impressionnant. Et c'est plutôt intéressant. Après, oui, il y a des choses à changer, aider à ce que les monoplaces se suivent, oui. Vouloir changer le règlement à tout prix et trouver des subterfuges de tous les côtés en mettant des safety cars artificiels ou je ne sais quoi, ou que après le safety car il y a un départ arrêté ou je ne sais quoi, ou plein d'autres choses comme ça. On essaie de pas falsifier le sport, mais de rendre un peu plus artificiel. Et ça, je ne le voudrais pas. C'est ce que je reproche à l'IndyCar, d'ailleurs, d'être un peu trop artificiel avec les safety cars à tous les drapeaux jaunes. Mais j'aimerais pas voir des choses comme ça en F1. Voilà, je préfère voir la course se faire. Puis, si elle est chiante, elle est chiante. Et si elle est pas chiante, elle est pas chiante, tout simplement. Des fois ça se passe comme ça, des fois d'un grand prix à l'autre, on voit tout et son contraire, et bizarrement on oublie ce qui s'est passé à la course d'avant, alors que non, moi je n'oublie pas que j'ai vu des très belles courses cette saison et que le championnat est palpitant, tout en haut comme au milieu, voilà, tout simplement. Et du coup, c'est ce qui marque la fin de cette actualité chargée, très chargée, et on va se retrouver après une pause musicale. Je vais vous passer du White Blues. On va se retrouver pour parler du Grand Prix de France de Formule 1. A tout de suite. It's about hard time, baby. Looks like the whole times. This touching feeling stay. So it was in my mind. Can't believe once again. The world can be sick. People don't use their brain. Like in our USA. Et on se retrouve pour parler du thème du jour. Il s'agit du Grand Prix de France de Formule 1, le retour après 10 ans d'absence. La dernière fois, c'était à Manicourt et c'était marqué par une victoire de Felipe Massa. Si ma mémoire ne me joue pas des tours, mais il me semble que c'est bien cela. Et donc là, c'est le retour au Castellet. C'était le retour au Castellet sur le circuit Paul Ricard. Et j'y étais sur place. Alors, je vous avais dit, je vous ramènerai des vidéos, des photos et tout ça. Bon, on oublie un peu ça parce que mes qualités de caméraman sont totalement à revoir. Il n'y en a pas. Et mes qualités de photographe également, surtout que j'ai plus pris de films que de photos. Donc, je posterai sur les réseaux sociaux quelques photos comme ça. Mais du côté vidéo, faudra voir. Hein. Faudra que je fasse le tri parce qu'il y a beaucoup de vidéos où je tremble. Enfin, je ne sais pas filmer. Il faut bien que je me l'avoue. Donc voilà, tout simplement, je passerai peut-être quelques extraits audio, mais il y a pas grand-chose à faire. En plus, j'avais pas de micro à chef, là, micro cravate ou quoi, pour bien qu'on m'entende. Du coup, la qualité audio n'est pas non plus bien top. Bref, voilà, on va essayer de s'en passer. Peut-être à un prochain podcast, je vous passerai des extraits après avoir fait le tri. Mais là, non, c'est pas de ce que j'ai vu globalement, c'est pas une qualité. Qualité top, loin de là. Donc voilà, je vais vous parler un peu du Grand Prix de France, quand même vous raconter. Donc parlons tout d'abord des choses qui fâchent. Je préfère partir comme ça, on se quittera bons amis, on se quittera avec du positif, et il n'y aura pas de souci. Donc, parlons de l'organisation. Voilà, je vais pas y aller par quatre chemins, c'était une sale organisation, c'était vraiment pas propre. Pour le retour du Grand Prix de France, c'était à l'arrache complet, ne nous le cachons pas. Alors, je vais vous raconter tout ce qu'il y a eu. Là, il y a quand même, j'ai noté pas mal de trucs, donc il y en a à dire. Tout d'abord, une mauvaise communication d'entrée. Mauvaise communication d'entrée sur le camping. Parce que oui, j'étais dans le camping officiel donc du Grand Prix de France, donc officiel. Hein. C'était pas un camping, ou quoi, un camping pas loin, mais pas officiel. Là, c'était officiel, quoi. C'était au domaine des Dangeans. Peut-être que vous y étiez. Eh bien, j'y étais. Voilà. Vous le savez maintenant. Même si ça vous fait une belle jambe. Bref. Et du coup, donc j'arrive avec ma mère au circuit et tout. Donc je demande comment on fait. On est à pied parce qu'on était venu en covoiturage. Comment on fait pour accéder au camping à pied? Donc voilà, on nous donne des mauvaises infos. Du coup, de partout. Hein. Je ne jette pas la pierre à quiconque. Seulement aux organisateurs qui ont mal communiqué aux gens qui renseignent, donc aux bénévoles, aux gendarmes, etc. Très mal renseignés là-dessus, à ceux qui tenaient l'accueil de certains stands de la région, machin. Très très mal informés sur le camping officiel, hein. Pas du tout informés même. Du coup, ils nous indiquent autre chose. Alors le camping officiel était au nord-est en fait. Et en fait, ils nous indiquent le sud-ouest. Du coup, moi, je fais pas gaffe, je les écoute, je les crois, voilà. Et je me croyais du coup à l'autre bout du circuit, mais en fait, non. Du coup, ça nous embrouille totalement sur l'emplacement où on était sur la carte. Bref, du coup, on suit les indications. On se rend à une navette qui nous emmène du coup au sud-est. Au sud-est, en fait, c'était les aires campables officielles. Les aires campables, pas le camping. Pas du tout pareil, alors que j'avais bien précisé le camping. Donc on nous emmène aux aires campables, on perd une heure à prendre une navette qu'en plus on n'avait pas le droit de prendre parce qu'il y avait que ceux qui avaient un certain bracelet qui avaient le droit de la prendre. Bref, du coup on fait aller-retour, on revient au circuit et puis nous voilà pas plus avancés. Et du coup tout ça pour apprendre par la suite, on a été aidés voilà par nos covoitureurs de base pour y aller. Et tout ça pour découvrir qu'en fait on n'était pas si loin que ça, on était qu'à 1,5 km, un truc comme ça, même un peu moins sûrement à pied, et qu'on en avait que pour un quart d'heure quoi de marche, à peu près un quart d'heure 20 minutes pour y aller, alors que quand j'avais demandé on nous avait dit à pied oulala il faudra 1h30. Ouais, bien sûr, mais du coup c'est pour ça qu'on n'a pas fait, on n'a pas cherché plus loin quand on nous a dit ça. Bref, une organisation pas possible. Également sur les navettes, quand on regarde le plan, le programme officiel, on voit qu'il y a des navettes qui vont un peu partout autour du circuit. Et là on apprend que ces navettes-là, eh bien, ça sera qu'à partir du vendredi. Voilà, tout simplement. Le jeudi, il n'y a qu'une navette que peuvent prendre seulement ceux qui ont le bracelet. Sinon, toutes les autres navettes, c'est que le vendredi. À partir du vendredi, alors que le jeudi, en fait, il y avait des animations. Il y avait accès à la pit lane qu'on a loupé à cause de ces soucis-là, malheureusement. Donc à la ligne des stands, il y avait la fan zone qui était ouverte, il y avait un peu tout qui était, il y avait pas mal de choses d'ouvertes en fait sur le circuit. Donc il y avait des séances de dédicaces également. Bref, il y avait de l'animation. Donc on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait les navettes qui puissent nous emmener d'un bout à l'autre du circuit, tout simplement. Eh bien non, non, non, ils avaient décidé que non. Et c'était pas marqué sur le programme ni rien, donc c'était un peu bizarre. Le parking, la mauvaise communication sur le parking également. On savait pas à l'avance, on va dire, comment ça allait se passer et tout ça. Et sur place, c'était à l'arrache. Sur place, c'était à l'arrache, mais total, le parking, à l'arrache dans tous les sens du terme, vu que il y avait encore, ils avaient carrément déraciné, mais des centaines, voire des milliers d'arbres, sûrement plus des milliers. Pour faire leur parking, et ils avaient laissé tout en fait, ils avaient arraché, mais ils avaient pas ramassé, ils avaient ramassé que les troncs, tout le reste c'était par terre, hein. C'était sur le sol, donc un sol, on va dire, fallait pas être bas de caisse avec votre voiture pour y aller, et on a vu certaines personnes avec des voitures de luxe ou quoi que ce soit, ou avec des voitures un peu bas de caisse, ben, elles ont dû être un peu abîmées, et toutes les voitures étaient sales, de toute façon, avec le déplacement de la poussière et tout ça, c'était de la terre, c'était le rallye. Et bien sûr, il s'est mis à pleuvoir dans le week-end. Donc voilà, je ne vous fais pas le dessin de ce qui s'est passé, vous le devinez aisément. Et ensuite, les tarifs assez élevés pour le parking et pour voilà pour le parking, c'est 15 euros par jour quand même. 15 euros par jour pour cette qualité de parking, c'est magnifique. Pour en sortir en plus en 3 heures hein, du parking hein, chaque soir, tellement c'était bien fait. Parce qu'en plus, ils l'avaient pas aménagé comme il faut. Ils avaient déraciné les arbres. Ils en ont laissé quelques-uns pour faire genre, il y a des allées pour se garer. Et c'est tout. C'est-à-dire que c'était comme un festival dans les années 60-70. Hein. Ils sont pas embêtés à faire en sorte que la circulation soit fluide dans le parking. Non. En fait, c'était chacun rejoignait des allées qui menaient à la sortie du parking. Et puis voilà, il fallait attendre après. Parce qu'évidemment, il y avait un goulot d'étranglement plus loin et c'était bouché, bouché de partout. Et du coup, il y avait une attente de 3 heures. 3 heures pour sortir d'un parking. 3 heures. Donc voilà, c'est évidemment, ça a pas plu à beaucoup de monde et je les comprends. Je les comprends aisément. Il y a que le dimanche où ils ont eu l'idée d'ouvrir un peu le circuit, enfin d'ouvrir l'extérieur du circuit pour fluidifier, pour donner une autre sortie. Voilà. Donc on est passé par la sortie normalement, je crois, des VIP, on va dire. Mais parce que sinon on nous annonçait qu'on sortirait à minuit le dimanche. Donc déjà on a attendu je crois plus de 2 heures et heureusement que ça n'était pas plus parce que sinon minuit c'était n'importe quoi. Genre à 18h30 on était dans la voiture, on est sorti du parking, il devait être 20h30, 21h et ça aurait pu être encore pire. Donc c'est vous dire le délire. Et les autres jours, vendredi, samedi, c'était pareil alors qu'il y avait moins de monde mais... C'était globalement pareil si vous partiez un peu tard. C'est-à-dire si vous décidiez de louper, de ne pas louper des choses qui se passent sur le circuit, eh bien voilà, vous étiez condamné à sortir en 3 heures, tout simplement. Ensuite, oui, le fait est que la mauvaise communication également, oui, sur le camping a été faite en amont puisque et sur les navettes, on va dire. Qui font l'aller-retour entre Marseille et le circuit ou d'autres villes, puisque le camping officiel, ils l'ont annoncé très tardivement, en fait au dernier moment, parce qu'ils savaient très bien en fait que tous les campings aux alentours allaient être pleins et du coup ils ont ouvert l'accès au camping officiel très tard, comme ça ils étaient sûrs que tout le monde allait vraiment se mettre dessus et n'avait pas le choix et allait dépenser l'argent qui était très cher pour aller à ce camping. Même s'il était bien le camping, il n'y a pas de souci, mais c'était un tarif assez exorbitant, donc voilà, ils se sont un peu touchés là-dessus. Ils se sont touchés sur les navettes parce que quand même, les navettes Easy Lines à 38 euros pour faire Marseille, Circuit Paul Ricard ou Toulon Circuit Paul Ricard, faut pas pousser. Donc bref, déjà que voilà, quand tu payes ton ticket d'entrée pour assister au Grand Prix. Ça peut être assez cher, suivant là où vous êtes. Si vous êtes en tribune, même si vous êtes les billets moins chers, 50 euros par jour, hein. Donc c'est assez compliqué. Donc voilà, je regrette ça quand même qu'ils aient communiqué de telle sorte qu'on dépense le plus possible et non de telle sorte que ce soit le plus pratique possible pour les spectateurs. Donc ça, voilà, ça, on le retient. Le fait que ce soit une sortie définitive, ah oui. Alors là, au circuit, la sortie est définitive. Vous sortez, vous ne re-rentrez pas. Si vous voulez sortir, je sais pas, pour aller chercher quelque chose dans votre voiture ou je ne sais quoi, c'est pas possible. C'est pas possible, hein, vous re-rentrez pas. Parce que ils ont eu la non-intelligence de ne pas faire un système de bracelet. Alors moi, quand je vais dans des événements, je peux aller, je sais pas, des conventions diverses, des salons de jeux vidéo ou autres, salons culturels. Soit ils vous tamponnent avec un tatouage temporaire, soit ils vous mettent un bracelet, et puis après, voilà, vous pouvez faire les allers-retours comme bon vous semble, parce que vous êtes libre et que voilà, là non, vous devez rester dedans, et voilà, pour consommer dedans, évidemment. Donc tout est fait pour donner votre argent, leur donner votre argent. C'est ça. Ils pensent pas à l'aspect pratique des choses, ni rien. Ou bien c'était peut-être une mesure très sécuritaire également, ça m'étonnerait pas. Mais en tout cas, c'était vraiment débile en 2018 d'avoir ça, la sortie définitive. Donc voilà, je regrette vraiment ça. Ensuite, oui, les coins d'admission générale. Parce que moi, j'avais pris un billet d'admission générale, donc pas dans les tribunes, mais sur l'herbe, quoi, tout simplement. Et c'était pas toujours bien fait. Là aussi, c'est fait pour que vous preniez la prochaine fois un billet de tribune, parce qu'il y avait des endroits d'admission générale où vous aviez une belle vue sur le circuit, sur l'écran géant. Vous aviez les haut-parleurs avec le speaker, mais il y avait d'autres zones où c'était pas du tout le cas. L'écran géant était très loin. Il n'y avait pas le speaker du tout. Bon, vous voyez la piste, c'était bien. Vous voyez bien la piste, notamment la zone là, dans le premier secteur où on voyait très bien la piste, très bien le premier secteur, mais pas de speaker et l'écran géant était très loin, donc c'était dommage. Il y avait d'autres zones comme ça, donc voilà, ça aussi j'ai trouvé ça assez dommageable. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des gens, plusieurs personnes, j'ai entendu, qui critiquaient le manque de points de restauration. Moi, j'ai trouvé que ça allait globalement, mais il y avait quand même beaucoup de queues, quoi. Donc en effet, peut-être plus de points de restauration. Ça manquait peut-être un peu, surtout avec cette histoire de sortie définitive, en fait. Si encore il y avait la sortie autorisée, bon ben, ce nombre de points de restauration, ça va. Parce qu'il y avait quelques trucs aux alentours, mais là non non, là, il aurait peut-être fallu plus, surtout avec la pleine chaleur là, quand on faisait la queue, c'était pas à l'ombre du tout. Donc c'était assez compliqué. Mais sinon, en termes de variété, on va dire, au niveau restauration, ça allait. J'ai envie de dire ça allait. Il y avait notamment un très bon restaurant là. Enfin, c'était un restaurant qui s'est exporté là en camion. Comment ça s'appelait? C'était donc au Péché Mignon, ça s'appelait. Et c'était très bon. C'était très bon. Les tarifs très abordables. Et c'est tous les produits étaient bio. Donc c'était bien. Du local, du bio, et ouais, c'était vraiment sympa. Donc voilà, je vous recommande, hein, si vous passez, à mon avis, c'est un restaurant qui était dans le 83, donc dans le Vaucluse. Donc voilà, au Péché Mignon, allez-y. C'est plutôt cool. Bref, donc voilà, au niveau des points de restauration, ça allait, il y avait ce qu'il fallait en termes de variété, peut-être pas en termes de quantité, il est vrai. Et sinon, oui, voilà un truc qui fait de l'ombre également, c'est que les personnes qui travaillaient dans ces points de restauration, eh bien, en termes de droit du travail, ils n'étaient pas trop dans les clous, puisque j'ai ouï dire de la part de personnes qui travaillent dans ces points de restauration qu'ils n'avaient pas connaissance même de leur contrat et qu'ils travaillaient pendant du matin très tôt jusqu'au soir avec on va dire pas assez de temps entre comment dire le moment où il pointait au départ et le moment où le matin il reprenait le travail. Bref, il y a vraiment des choses qui n'allaient pas dans l'organisation et c'est bien triste. C'est bien triste pour ces personnes qui vraiment en plus étaient vraiment très très actives, devaient être très très actives toute la journée, parce que vu le monde qu'il y avait, voilà, donc c'est l'occasion de les saluer, tout le personnel qui travaillait sur le Grand Prix, les commissaires de piste, tous les bénévoles, tous ceux qui étaient aux différents stands et qui étaient en pleine chaleur et tout. Bref, voilà, je salue ces personnes-là. qui nous ont permis de quand même de passer globalement un bon week-end quand même. Donc voilà, faut pas. Il y en a qui se plaignaient que ces personnes-là étaient pas forcément assez rapides ou quoi que ce soit. J'ai pu entendre ça. Je trouve ça assez déplacé et assez injuste pour ces personnes qui vraiment ont fait ce qu'elles pouvaient et puis avec le sourire. Donc c'était plutôt sympa. Ensuite, voilà. Oui, concernant les événements qui avaient lieu le week-end également. Il y avait des événements qui n'étaient pas annoncés. Il y en avait un qui n'était pas annoncé sur le programme. Donc là, je trouvais ça assez fort de café. Le premier événement, le tout premier du vendredi matin n'était pas annoncé. C'était les monoplaces de légende d'endurance. Donc des monoplaces qui dataient, je crois, des 20 dernières années en termes d'histoire. Et du coup, c'était pas annoncé. Donc le vendredi matin, on se réveille tout simplement. Et puis là, on entend du camping les prototypes d'endurance. Qui vrombissent tout simplement et voilà on n'était pas au courant. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont loupé l'événement de ce fait. Donc voilà le programme papier qui était pas exhaustif. C'est dommage. Pourtant les autres événements endurance étaient annoncés sur le papier. Donc incompréhensible. Autre chose que j'ai trouvé pas top, c'est qu'on voyait Christian Estrosi de partout. Donc voilà, la récupération politique était là. Alors moi je suis ok, c'est pour saluer le travail qui a été fait par le groupement d'intérêt public pour le retour du Grand Prix de France. Mais de là que ce soit résumé à un seul homme et que cet homme tire la couverture que sur lui pour justement faire une récupération politique en vue de certaines élections très certainement, ça je dis non, ça je trouve ça assez déplacé et à vomir. Et surtout à jouer à ce petit jeu de l'ego, enfin. Comment on peut appeler ça ? Une sorte d'égocentrisme quelque part, ou du monopole, enfin de la personnification de l'événement, eh bien, ça retombe forcément dessus. Vu que l'organisation était très mauvaise, vers qui les gens vont se tourner ? Eh bien, vers celui qu'on annonce comme le Messie qui a permis le retour du Grand Prix de France, alors que ça a été quand même plusieurs acteurs qui ont permis cela. Faut faire attention, parce que là, du coup, je pense qu'il a reçu pas mal de courriers, Estrosi, concernant l'organisation du Grand Prix de France. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est bien fait. Il fallait pas faire autant de récupération. Voilà, ben, il n'a que ce qu'il mérite, voilà, tout simplement. Alors, également pour s'abriter, voilà, de la pluie, j'en parlais, de s'abriter du soleil, bon, les points d'ombre... Faut revoir ça, je pense. Mais pour s'abriter de la pluie, c'était également système des, on s'abritait sous les stands, enfin sous les différents stands qu'il y avait dans la fan zone. C'était assez assez comment dire cocasse, c'est le moins qu'on puisse dire. On s'abritait dans les boutiques, le F1 store, etc. C'était dommage. Les points d'ombre étaient peu nombreux, voilà, je l'ai dit. Sinon, autre chose négative. Ah oui, alors là je dois en parler parce qu'en tant qu'animateur d'une émission et également commentateur à 16 heures perdues, il faut bien que j'en parle. C'est le speaker. Le speaker. Ah là là. Je marque une pause parce que il faut que j'en parle de façon non passionnée, de façon éclairée. Comment dire ? Il y avait un speaker au Grand Prix de France qui commentait. Enfin, qui essayait de commenter. Et qui était paumé, qui n'y arrivait pas, qui, au niveau des noms, Richardo, Rekkonen, bref, c'était, et au niveau du commentaire en lui-même, que ce soit encore s'il y avait que les noms qui allaient pas encore, ça irait, mais là, il y avait beaucoup de noms. Il y avait beaucoup de noms où il n'y arrivait pas, c'était vraiment compliqué pour lui, et au niveau des commentaires, il était perdu. Il était perdu, je sais pas où il avait les yeux, sûrement sur la feuille des temps, et puis, des fois, il avait l'œil sur le circuit. Cas où, hein. Mais non, c'était pas possible. On sentait qu'il avait des connaissances sur le sport, mais le fait de commenter, il était totalement perdu. Et facilement perdu. La qualité du commentateur était déplorable, hein. C'est dommage. Dommage parce qu'on sentait qu'au niveau historique, il connaissait des trucs, mais que comme il devait énoncer vite les différentes choses, mais il faisait des grosses erreurs. Et du coup, il a fait des erreurs sur, par exemple, les titres de Gasly, au niveau des années, il a fait des erreurs sur pas mal de choses. Donc du coup, à un moment, on doutait, on se disait, ouais, il a l'air de s'y connaître, mais il fait des erreurs. Du coup, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas ? Et du coup, voilà, tout le monde a trouvé le commentateur finalement agaçant. C'était finalement agaçant à la longue, et c'est dommage. Et même quand à un moment, il y avait une parade, j'en parlerai, mais il y avait une parade de vieux véhicules Renault, vieux véhicules sportifs de Renault. Et même ça, pour y commenter, alors que ça avançait à 130 à l'heure, maximum, et bien même ça, pour y commenter, il avait du mal. Il avait du mal, il se perdait. En fait, c'est pas un commentateur. C'est pas du tout un commentateur, ce gars. Il sait, et je pense, animer, voilà, vite fait, faire les explications, présenter. Plus un présentateur qu'un commentateur. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et du coup, on lui demande de commenter une course tout seul. Le pauvre, ben voilà, c'est. Il arrive ce qui s'est passé, quoi. C'est que c'était vraiment pas bon, quoi. Il était perdu. Et moi, je dis, mais j'étais là, moi. J'étais sur place, mais appelez-moi. Appelez-moi. Moi, je vais le renvoyer, mon CV. Je vais le renvoyer, tout simplement. Ah, en parlant de ça, je vous parlerai de ça peut-être plus tard. Est-ce que j'ai prévu d'en parler plus tard? Je ne sais pas. Je vous en parle tout de suite. J'ai croisé Julien Febraud, et oui, le samedi. Il me semble que c'était le samedi. J'ai croisé Julien Febraud. Je crois, ou vendredi, je sais plus. Bref. Il était de passage dans la fan zone, et puis il acceptait de discuter, voilà, de prendre des photos avec les gens, très accessible, très souriant, très ouvert à la discussion et tout. Et puis voilà, et du coup, on a discuté un petit peu, je voulais pas trop le déranger parce qu'il allait bientôt retourner à la cabine de commentateur pour commenter les qualifs, je crois, il me semble. Il me semble que c'était ça, ou les essais libres 3, je sais même plus à quelle heure c'était. Et bref, et du coup, voilà, moi j'ai un CV d'animateur commentateur. D'ailleurs, hein, avis aux oreilles qui traînent. Si vous êtes intéressé, je suis disponible. Voilà, je le dis. Donc voilà, j'ai donné mon CV, je me suis permis. Voilà, il était très gentil d'accepter. D'ailleurs, Julien Febraud, il aurait pu dire non, je sais pas quoi en faire du papier. Non, ben non, c'était très sympa de sa part. Le petit échange que j'ai eu avec lui également, très cool. Voilà, je pense que ça aurait été bien cool d'être plus à l'aise, qu'il ait plus de temps, parce qu'il était vraiment très avenant, et ça faisait plaisir, voilà. Et bref, il paraissait comme il était à la télé, donc un commentateur assez cool, voilà. Sinon, quoi dire d'autre sur les choses qui étaient mauvaises? J'ai parlé d'une chose qui était bonne, après je parle promis des choses qui étaient bonnes, hein. J'ai dit, on finit sur les choses positives. Donc oui, il y avait le forum, ah oui. Il y avait des forums dans la fan zone, un coin fan forum qui était assez bien disposé pour qu'après il y ait des stars qui interviennent, donc les pilotes des fois de GP de Formule 2, de GP3, les teams principales, les pilotes de F1. Et donc après il y avait des questions qui étaient possibles pour les fans, quoi, qui étaient présents. Seulement, ils ne se sont pas embêtés à aller chercher dans au milieu du public les fans qui auraient des questions. Non, ils ont pris à chaque fois les mêmes qui étaient devant, du coup c'est les mêmes qui posaient les questions, donc c'était dommage. Et bon, ben voilà, c'était dommage pour la diversité des questions, en fait. Dommage. Mais sinon, globalement, ça c'était cool, c'était quand même cool qu'il y ait ça, que les pilotes viennent jouer le jeu, aussi distribuent des cadeaux, voilà, avec des sortes de pistolets qui comment dire, qui vont éjecter des t-shirts ou des drapeaux et quoi que ce soit. Ça se battait un peu, il y avait un peu la bataille pour prendre, sauter et prendre le t-shirt le premier, mais globalement ça allait, il n'y a pas eu de gêne ou quoi, les gens restaient assez quand même respectueux, on va dire, même s'il y avait des acharnés qui voulaient à tout prix tout, ça il y en a toujours hein, dans ce cas-là, mais globalement ça allait. Et sachez que suite à toute cette mauvaise organisation, et encore je suis sûr que j'ai oublié des trucs, mais suite à toutes ces mauvaises organisations, il y a un site qui s'est lancé, un collectif qui s'appelle gpfrancerecourscollectif.fr. Et lorsque j'avais préparé l'émission, il y avait déjà plus de 3500 personnes qui étaient présentes sur ce site. Là, ça a dû certainement augmenter à plus de 3700, voire 4000. Donc voilà, 3500 sur quand même, on va dire en tout, 60 000 personnes. Parce que le dimanche, il y a eu 60 000 personnes, estimation. Donc ça fait quand même 5% des gens qui vont quand même sur internet, sur ce site, et sûrement beaucoup plus de personnes mécontentes. Donc c'est à prendre en compte, et j'espère que les personnes qui ont payé le parking seront remboursées, tout simplement, parce que c'était inadmissible. Un désastre, il y avait tous les désastres, hein, écologiques, désastre d'organisation, désastre de l'organisation du parking, voilà, c'est de l'agencement, de tout. À un moment, à une entrée, l'entrée qui était située côté sud-ouest du circuit, vous aviez dû voir si vous y étiez, on voyait qu'il y avait du béton frais qui avait été coulé, et ça s'arrêtait à un endroit, et la suite, en fait, n'avait pas été faite. Par manque de temps, sûrement. Donc voilà, on sent que tout a été fini au dernier moment. Et ben, c'est assez triste, quoi, pour un Grand Prix de France de Formule 1, qui est censé être le sommet du sport auto. C'était vraiment n'importe quoi. Donc voilà, je vais suivre ça avec intérêt, on va dire, ce collectif, pour voir s'ils auront leurs droits, quoi, tout simplement. Et également, suite à toute cette mauvaise organisation, les médias ont largement diffusé les infos concernant la mauvaise organisation. Tous les médias locaux, des médias nationaux également. Donc, le Grand Prix de France, je pense que l'année prochaine, il y aura bien moins de monde. Et ben, ils l'auront bien cherché. C'est triste. Mais il faudra pas dire que l'engouement en France aura baissé, hein. Faudra pas dire que c'est ça la raison, hein. Ça, leur raison, ça sera l'organisation, hein. Franchement, déplorable, hein. Il y aura pas 60 000 personnes là, c'est, l'année prochaine. Ça, je vous le dis direct, hein. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, je vous conseille, au lieu d'aller au Grand Prix de France, de peut-être essayer d'autres Grands Prix qui sont, parce qu'en plus, la concurrence est rude, hein, dans la région en termes de Grands Prix, hein. Les gens, ils font pas tous les Grands Prix. Ils vont sélectionner un Grand Prix, hein. En termes de pouvoir d'achat, on sait, c'est un peu ric-rac. Et, que ce soit les classes moyennes ou les classes un peu plus populaires, ben, vont pas aller à 36 grands prix. Ils vont choisir un grand prix, ça va être leur bon moment de l'année et voilà. Mais je vous conseille plutôt d'aller voir du côté peut-être du Barcelone, de Monaco, quoique Monaco c'est très cher, mais plutôt de Barcelone, voir l'Italie Monza ou Spa qui est, je crois, un des grands prix les moins chers en Europe et avec une ambiance très particulière. Donc voilà, n'hésitez pas. Parce que le Grand Prix de France, non, là, vu l'organisation, franchement, c'est à éviter. Et pourtant, c'est dommage. Et pourtant, c'est dommage, j'en viens aux choses positives, parce qu'il y avait plein d'animations, plein de stands intéressants. Alors, les animations, il y a par exemple, il y avait des mascottes à l'effigie des pilotes qui venaient un peu animer la fanzone et tout, prendre des photos et tout. Ils devaient avoir chaud, hein, dans leur costume, je vous le dis. Et j'ai pris des photos avec eux également, je me suis prêté au jeu. Il y avait des stands très intéressants, notamment un gros stand Renault, avec une monoplace Renault F1, tout en Lego. Et notamment d'autres animations où il y avait le jeu des réflexes, là, qui avait des deux côtés. Vous savez, vous avez un grand panneau avec des sortes de boutons qui s'allument, et vous devez appuyer dessus le plus vite possible, voilà, pendant une minute. Et après... vous avez un score qui s'affiche à la fin. Et voilà, les pilotes de F1 utilisent vraiment ce truc, enfin, cette machine comme méthode d'entraînement pour à la fois mesurer leurs réflexes, mais également leur vision périphérique et également leur comment dire, la façon dont ils utilisent les mains, quoi. Leur coordination des membres, parce que tout ça est utilisé dans une monoplace de F1. Voilà. Il y avait quoi d'autre? Il y avait un coin F1 eSports avec également la possibilité de jouer au jeu F1 2017 dans une sorte de baquet avec le volant, et ceux qui faisaient les meilleurs temps étaient étaient conviés le dimanche à une finale, etc. Et surtout pour avoir un accès au paddock. Mais malheureusement, c'était assez mal organisé parce qu'on pouvait refaire le tour plusieurs fois, et surtout c'était pas sur un mode contre la montre, c'était sur un mode course. Donc c'était n'importe quoi, une course sur 3 tours. Je sais pas si les collisions avaient été désactivées, si la possibilité, et d'ailleurs si c'est possible dans le jeu de faire ça, mais ouais, c'était assez mal organisé malheureusement. Il y avait également un jeu du Pit Stop Challenge, donc par équipe de 3 avec vos amis, votre famille, vous pouviez également, vous aviez un pneu et puis vous deviez serrer le pneu le plus vite possible. Voilà. Et bien après, les meilleurs équipages étaient conviés à une finale le dimanche, et puis le meilleur équipage gagnait un accès au paddock exclusif le dimanche. Donc c'était cool. Il y avait les points de restauration à ce moment-là. Il y avait le F1 Fan Forum. Il y avait de nombreuses boutiques, dont le F1 Store, avec vraiment là c'était vraiment un magasin F1, quoi. C'était le Kiabi de la F1. Ouais, j'ai dit une marque, le CA, le Babou, enfin bref, c'était le magasin de la F1, quoi, en gros. Il y avait pas mal de produits dérivés, de vêtements, etc., etc. Donc c'était sympa. Il y avait, en termes de boutique, il y avait la boutique Ayrton Senna. Alors j'ai été agréablement surpris parce qu'au début je me suis dit, ouais, ça va aller tout dans les poches des organisateurs et tout. Mais en fait j'ai demandé, parce qu'il y avait une casquette qui m'intéressait, que j'ai d'ailleurs prise, d'ailleurs achetée. Je leur ai dit, est-ce que vous avez un lien avec la fondation Ayrton Senna? Puis ils m'ont dit, oui, on a un lien direct, et une partie des bénéfices sont reversés à la fondation. Donc voilà, la fondation Ayrton Senna qui donc a des activités d'éducation dans le pays envers les populations pauvres. C'était le souhait d'Ayrton Senna qui donc s'est retrouvé hérité chez sa sœur Viviane, et donc là qui vit à travers cette association, cette fondation. Donc bon, c'était bien. Également, en parlant de fondation et d'associations intéressantes, l'association Jules Bianchi était présente tout le week-end, où il y avait d'ailleurs le père de Jules, Philippe Bianchi, qui était présent. Et donc, il y avait de nombreuses choses qui étaient vendues, quoi. Nombreux produits dérivés, de photos également de Jules Bianchi. Et tout, et là, évidemment, l'intégralité était reversée à l'association Jules Bianchi, qui donc a des actions concrètes dans l'hôpital où était pris en charge Jules à Nice. Donc, ça, c'était intéressant également. Donc, évidemment, j'ai pris une photo de Jules dans sa Marussia en 2014, quand il avait marqué le point là, à Monaco. Donc, c'est intéressant. Il y avait également présent dans une boîte en verre, dans une vitrine, tout simplement, le casque que portait Jules à Monaco en 2014. Donc, c'était impressionnant de voir le casque et de se dire, ouais, il a eu la tête dedans, quoi. Donc, ça fait quelque chose. Tout simplement, de voir le stand, ça faisait quelque chose, quoi. Donc, c'était important, je pense, pour chacun d'entre nous d'apporter notre soutien, quoi, à ceux qui font vivre la mémoire de Jules Bianchi. Donc, parce que ouais, c'est vrai qu'on l'oubliera pas, hein, Jules, ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'était bien. Il y avait quoi d'autre de cool? Il y avait le village sud avec tout plein d'endroits qui faisaient penser à la région tout simplement. Bon, ils avaient un peu abusé en diffusant le bruit des cigales quand même via des haut-parleurs. Bon, ça c'était le truc cliché qui était de trop selon moi. Voilà, mais sinon il y avait des choses intéressantes du côté du village Sun, des produits locaux, il y avait pas mal de choses de ce côté-là. Enfin, ça manquait peut-être d'ailleurs de trucs un peu concrets, parce que du côté du village Sun, ils avaient fourgué l'armée de terre, ils avaient refourgué un ciné, ils avaient refourgué je sais pas quoi. Évidemment la région qui était présente, hein, les collectivités locales, ça on peut comprendre. Mais voilà, il manquait peut-être un peu. Justement de produits locaux, même s'il y en avait quelques-uns. Mais sinon, voilà, c'était quand même cool de voir ça. Les boutiques étaient nombreuses. Il y avait une monoplace, la monoplace d'Ayrton Senna de 1987, sa Lotus, était là en chair et en os. Donc c'était bien. J'étais là en « waouh, elle est jolie ». C'est bien, c'était bien de la voir comme ça. On voit la différence avec les monoplaces d'aujourd'hui également. On voit la différence, on voit que c'est très sommaire par rapport à aujourd'hui à tous les niveaux. Et c'est quand même impressionnant de voir ça. Il y avait un espace Pirelli, je suis entré dedans, qui était sympa, où on voyait les pneus, on pouvait tâter les pneus Pirelli, les pneus F1, voilà, les pneus durs, les pneus tendres et tout, les pneus intermédiaires, donc c'était cool. Ils affichaient également leurs pneus de route, et également il y avait des petits jeux qui utilisaient soit la reconnaissance de mouvement. Il y avait un petit jeu, une sorte de pit stop challenge également en jeu vidéo où c'était à reconnaissance de mouvement. Bon, c'était au niveau de la synchronisation, c'était pas ça, quoi. C'était pas très précis et tout, mais ça avait le mérite d'être là, avec en plus un classement qui faisait genre classement officiel sur un écran. C'était sympa. Et sinon, il y avait aussi la possibilité d'être dans une animation réalité virtuelle. J'ai testé. Où vous étiez comme un passager d'un pilote sur un circuit d'essai, et puis qui vous malmenait un peu dans la voiture, quoi, qui faisait des dérapages, qui allait vite dans les virages et tout ça, et c'était dans un décor réel, quoi. Et donc j'ai testé ça. Bon, c'était ça allait, mais ça manquait de sensations, notamment au moment des accélérations et du freinage, où là il y avait un manque de sensations. Il y avait les sensations dans le virage, oui, mais bon, ça manquait de précision quand même. On sentait pas comme en vrai, ça c'est sûr. Ça manquait un peu de sensation. Et en plus, des fois le casque se désynchronisait, suivant qu'on faisait des mouvements peut-être trop brusques ou quoi. Et du coup, j'avais une vue sur le comment dire, hein, la boîte à gants. Donc c'était comme si j'étais tout petit, alors que non. Alors du coup, j'essayais de m'élever pour regarder plus loin, mais c'était un peu chiant. Donc voilà, bon. Au moins, ça a le mérite d'exister, mais ça mérite amélioration quand même sur la technologie. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait pas mal de choses. Il y avait des courses, évidemment. Il y avait des courses, parce que là, je parle quand même de tout ce qu'il y a alentour. Mais sinon, il y avait des courses de GP3, de F2, de F1, d'endurance historique. C'était intéressant. On avait accès à tout ça. Donc, on pouvait faire son choix. Moi, j'ai regardé les courses de GP3, F2. Et puis aussi quelques essais libres de F1, mais pas, pas tous, et les qualifs de F1 évidemment, et la course évidemment. J'ai loupé tout ce qui concernait les monoplaces d'endurance historique, hein. J'ai loupé ça, hein. Ça c'est ce que j'ai loupé malheureusement. À chaque fois, c'était pas la bonne heure que c'est passé pour moi, donc bon, c'est dommage. Sinon quoi d'autre? Le dimanche était riche en animation, c'était cool. Donc du coup on pouvait se poser et puis du coup profiter des différentes animations d'avant-course. Il y avait notamment la patrouille de France qui a fait une démonstration commentée par un militaire, hein. Tout simplement, je ne sais plus son grade et je ne me souviens plus de son nom, mais en tout cas il faisait des commentaires très intéressants sur les, comment dire, les, ah, je retrouve plus le nom, les différentes formations qui exécutaient la patrouille de France, les différentes figures et tout ça, en expliquant un peu ce que ça impliquait pour chaque pilote ou autre. Donc c'était intéressant. Et puis en plus, on était parfaitement au bon endroit pour observer ça. En fait, on s'était posé à l'endroit d'admission générale après le Bosset. Vous avez la longue courbe à droite, là, il y a la tribune du Bosset. Ensuite la petite ligne droite, ensuite ça retourne à gauche, et là il y a la sortie de virage. Ben là on était là dans les j'étais là dans les espaces d'herbe là, j'étais à cet endroit là et j'avais une vue après sur la sorte de courbe rapide qui mène sur les deux derniers virages. Voilà, j'avais cette vue là, et là on était parfait pour la patrouille de France, pour le également le spectacle d'hélicoptère avec une chorégraphie sur une musique, c'était sympa également. Là, on était parfaitement au bon endroit. On a eu de la chance. Enfin, on a eu de la chance. En fait, normalement, ils devaient faire ça plus près de la ligne de départ-arrivée, la ligne droite de départ-arrivée. Mais finalement, ils ont décidé de le faire plus près de là où on était, dû aux conditions climatiques, aux nuages et tout ça. Donc voilà. Il y avait également l'homme volant, Franky Zapata, qui était sur une sorte. En fait, il utilise la pression de l'air pour voler sur sa machine là, un peu comme une sorte de jetpack au pied quoi. Malheureusement, on n'a pas trop vu parce qu'il a pas fait tout le circuit, il a fait juste le premier secteur en gros. Donc on n'a pas trop vu à part sur les écrans géants. Il y a eu également un défilé de voitures sportives de Renault, de vieilles voitures qui étaient. On pouvait les voir d'ailleurs vers la fan zone, tout ça. On pouvait les admirer, les prendre en photo, les voir de plus près, mais là on les a vus vraiment défiler avec des monoplaces, enfin des voitures en plus qu'on ne pouvait pas voir à cet endroit-là, qui ont fait tout le tour du circuit. Donc il y avait la première Renault sportive, enfin la Renault qui avait fait, je crois, le Paris-Reims, un truc comme ça en 1902, enfin une des premières courses automobiles quoi, qui roulait à 130 km/h, vitesse de pointe. Donc c'est intéressant. Derrière elle, il y avait par ordre croissant historique, il y avait différentes voitures de Renault qui ont fait l'histoire de Renault au niveau du sport. Donc voilà, malheureusement, il manquait quand même des monoplaces, des voitures phares, du fait que ils ont fait intervenir seulement les concessionnaires locaux pour avoir droit à faire défiler ces voitures. Donc du coup, il manquait forcément des références. Il manquait le Renault Espace F1, j'ai envie de vous dire. Et voilà. Petit clin d'œil aux covoitureurs notamment s'ils m'écoutent, ou à d'autres qui avaient rêvé de voir ce Renault Espace F1 sur cette piste du circuit Paul Ricard, mais non, on l'a pas vu. Bref, ça c'est pour la petite boutade. Sinon, il y a deux F1 qui ont défilé, une plus ancienne, celle de René Arnoux, une plus récente, celle de 2012, avec notamment, c'était la Lotus hein, qui a été repeinte en Renault, avec notamment une pilote saoudienne qui a fait le tour du circuit. Alors, on pouvait se demander pourquoi. Malheureusement, c'était à faible vitesse du coup, et du coup on n'a pas pu entendre trop le V8 vrombir, mais elle a fait le tour du circuit et c'était pour une bonne cause, puisque la veille de ce tour de circuit, eh bien en Arabie Saoudite, les femmes avaient enfin le droit de conduire leur voiture, parce qu'avant elles avaient seulement le droit de propriété sur leur voiture, et là elles ont le droit de conduire leur voiture. Donc une avancée. Un peu tardive, on est en 2018 et en Arabie Saoudite ils font ça, hein. Mais le pays est en grave retard sur les droits de l'homme, c'est le moins que l'on puisse dire, et là il y a une petite avancée, donc voilà, bon ben autant la saluer, mais il ne faut pas oublier non plus tous les désastres, les massacres, les tortures, les peines de mort et tout ça qui ont lieu en Arabie Saoudite, hein. Ça on ne l'oublie pas, et également les guerres qui sont menées par le royaume saoudien. Mais voilà, il y avait ça, bon, tant mieux qu'il y ait cette avancée. Toujours positif pour une partie de la population saoudienne qui doit quand même bien souffrir au quotidien. Voilà. Et sinon, enfin, il y a eu comme animation, et oui, il y a eu pas mal d'animations. Oui, la Patrouille de France aussi qui a fait un gros passage au-dessus du circuit avant le départ. Donc voilà, c'était impressionnant, une belle démonstration. Et il y a un cycliste professionnel. Alors j'ai pas son nom, j'ai loupé, j'ai loupé à l'écoute du speaker, qui a fait un contre-la-montre sur un tour du circuit. Voilà, sur un tour de circuit. Et voilà. Et puis on n'a pas trop compris pourquoi, comment, mais en tout cas, il l'a fait. Donc pourquoi pas. Sinon, je crois que j'ai rien oublié en animation. Il y en avait peut-être d'autres. Ben si, après, il y avait la parade des pilotes, évidemment. Et après, le Grand Prix. Oui, ben, je vais parler de la course, évidemment, quand même. La course de F1. Évidemment. Et des autres courses, tiens, un petit peu. Enfin, juste pour rappeler qu'on a souvent entendu, lors du Grand Prix de France, l'hymne britannique, que ce soit entre Calum, Aylott en GP3, ou c'était qui? C'était George Russell en F2. Et Lewis Hamilton, du coup, en F1, ça fait beaucoup... on a entendu beaucoup le God Save the Queen, hein, ça je vous le cache pas. Donc voilà, la course a été remportée par Lewis Hamilton, bon, ben, la pole, et puis il a été devant tout du long, pas inquiété, les Mercedes étaient largement au-dessus en termes de rythme, et il n'y a pas eu trop de soucis à se faire du côté de Lewis Hamilton. Alors on pourrait se dire, oui, du coup, ben Mercedes a fait top 2, a fait le doublé. Eh bien non, puisque au premier tour, au premier virage, Vettel a harponné Bottas. Bottas qui était sur l'extérieur, qui avait réussi à freiner plus tard, était sur la trajectoire. Vettel qui était à l'intérieur et qui a bloqué un peu la roue, a décidé à mal contrôler sa monoplace. Il a voulu trop en faire, dès le premier virage, risquait la position. Alors on le sait, c'est vrai, les Ferrari étaient un peu en dedans ce week-end-là, et du coup, c'est vrai que prendre l'avantage en termes positionnels dès le premier tour, ça revêtait un avantage, tout en sachant que ça aurait été dur ensuite d'aller dépasser une Mercedes. Mais il faut pas oublier que Vettel, son objectif, c'est pas tellement... la position, voire chercher la victoire à ce Grand Prix, c'est aussi de regarder plus loin. Il est en lutte pour le championnat du monde et ce n'est pas très pertinent d'aller chercher la position comme ça. C'est pour ça que je comparais un peu son départ à celui de Singapour l'année dernière, où il avait un peu aussi pris pas mal de risques en voulant tasser et bloquer ses opposants, alors que c'était seulement le premier tour. Une course est longue, il peut se passer bon nombre de choses, hein. On l'a vu en Autriche d'ailleurs, une semaine plus tard, où les deux Mercedes ont abandonné alors qu'elles étaient promises à un doublé. Donc il faut pas oublier ce fait-là, même si en effet, si on se réfère, parce que aussi les pilotes, ils font pas ça par hasard. C'est qu'il y a eu des simulations avec des super ordinateurs que l'on dispose des écuries, qui ont simulé les différents scénarios de Grand Prix qui peuvent exister, et qui ont dit, bon, ben, les Mercedes sont au-dessus, et une des seules choses qui pourrait les empêcher, c'est de passer au premier tour, quoi, etc., pour en termes stratégiques ensuite, etc., etc. Et du coup, Vettel, en sachant tout ça, eh bien, a pris la décision de prendre des risques au premier virage. Et voilà, eh bien, il a harponné Bottas. Les deux se sont retrouvés très loin au classement. Il y a une pénalité de 5 secondes lors d'un arrêt au stand pour Vettel, suite à ce crash, quoi. Et c'était plutôt justifié, quoi, qu'il soit pénalisé là-dessus, puisque Bottas a été plus pénalisé que lui sur l'accrochage, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Vettel a pu remonter assez haut dans le classement en fin de course. Je crois il a remonté même quatrième et Bottas cinquième, un truc comme ça. Donc en effet, Bottas a perdu gros dans l'histoire, alors qu'il avait peut-être des espoirs de victoire, en tout cas de podium, c'est sûr, vu le rythme affiché par la Mercedes tout le week-end et en course d'ailleurs également. Le premier tour a aussi été marqué par un crash assez triste, un crash franco-français, oui. Alors déjà, dès le départ, il y a Romain Grosjean qui a tassé Esteban Ocon dans la ligne droite, départ arrivé. Romain Grosjean qui recommence à être le fou du premier tour, comme en 2012, comme l'appelait Mark Webber à l'époque. Et c'est dommageable pour lui, hein. Il sape sa saison littéralement. Et ensuite, ce n'est pas tout, parce que Romain Grosjean également, il avait mal contrôlé, je crois, son freinage. Il avait dû couper également dans le premier tour. Enfin bref, c'était un peu catastrophique ce premier tour. Et Comme si ça ne suffisait pas, ensuite il y a Pierre Gasly qui a perdu le contrôle de sa monoplace et qui allait percuter Esteban Ocon. Il est en perdition totale, Pierre Gasly. Et voilà, le premier tour, faire attention. Et non, les pilotes français qui ont voulu trop en faire, à part peut-être Ocon qui était, qui était spectateur, un triste spectateur de des crashs quoi, de ce qui s'est passé sur lui. Mais voilà, du coup, Gasly, Ocon qui sont dehors dès le premier tour et Grosjean qui ne finira pas dans les points la course, hein, puisque battu par Leclerc finalement. Alors, est-ce qu'il y avait des dégâts sur sa voiture, hein? Peut-être, sûrement même. D'ailleurs, des dégâts, il y en avait aussi sur la monoplace de Bottas qui a eu beaucoup de mal dans sa remontée. Il a remonté moins vite que Vettel et il avait avoué après la course avoir eu des soucis sur son fond plat, il me semble. Il avait des soucis sur sa monoplace, il me semble bien que c'était le fond plat. Et du coup, évidemment, la performance de la Mercedes était fortement amoindrie. Voilà. Et du coup, côté francophone, en revanche, on a eu Charles Leclerc, comme je l'ai dit, qui a fini dans les points, qui a marqué un petit point de la 10e place. Et très populaire, Charles Leclerc, hein, très populaire. Alors, pilote francophone, qui a beaucoup de talent, qui performe beaucoup cette année. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il rappelle également Jules Bianchi, vu que les deux étaient amis et tout et tout. Donc, et j'ai pu le mesurer au Grand Prix de France, où moi aussi je l'applaudis, hein, il faut bien le dire. Mais vraiment, dans le public français, il était bien bien applaudi. Hein. D'ailleurs, à peu près, il était autant applaudi que les pilotes français, hein, voire des fois plus. Et le moins applaudi, le moins populaire, c'était Romain Grosjean, malheureusement, même s'il a eu des applaudissements, mais quand même le moins populaire des pilotes français au vu de son début de saison. Les gens ne s'y trompent pas, hein, ils regardent également la forme des pilotes, etc. Et on voit les plus applaudis. Pour continuer là-dessus, vu que j'en avais pas parlé tout à l'heure, les pilotes Ferrari également très applaudis. Kimi Raikkonen, c'est peut-être le pilote le plus populaire finalement. Celui qui parle le moins aux médias, qui est le plus froid et tout, et c'est le plus populaire. Et oui, Kimi, sa personnalité qui est très appréciée du public français. Et voilà, Hamilton également bien apprécié finalement, contrairement à ce que j'ai pu lire dans un article où ça disait que beaucoup de gens, même parmi les Anglais, n'aimait pas Hamilton et qu'on pouvait que ne pas l'aimer ou je ne sais pas quoi. Enfin, un article complètement à charge sur planetef1.com contre Hamilton, étayé sur du vent en fait, sur des présomptions, enfin bref, c'est assez sale de faire ce genre d'article. Mais en tout cas, sur le terrain, Hamilton plutôt très bien applaudi, pas de soucis. Alors évidemment, c'est pas les supporters Ferrari qui l'applaudissaient, mais il est respecté pour les titres en tout cas qu'il a, pour son talent, hein, ça c'est sûr. Après, est-ce que les gens sont tous fans d'Hamilton? Non, évidemment, mais voilà, en tout cas, il est respecté et apprécié pour ce qu'il fait. Il a gagné la course. Deuxième, donc, c'était Max Verstappen, qui a fait une très bonne course également dans la lignée du Grand Prix du Canada, hein, comme je l'avais dit tout à l'heure. Grand Prix de France également bien. Il avait un bon rythme, hein. Très bon rythme, hein, pour finir en deuxième, c'est vraiment pas mal. Meilleur rythme que Daniel Ricciardo, comme souvent ces derniers temps d'ailleurs. Et troisième, Kimi Raikkonen, donc qui a complété le podium, qui également a fait une course plutôt solide. Les deux Renault sont arrivés dans les points, hein, c'est important de le signaler, puisque c'était le Grand Prix de France et que Renault est une marque française. Donc voilà, avec notamment un super départ de Carlos Sainz, hein, qui a brillé dans le premier tour en doublant beaucoup de pilotes et en s'installant à la troisième place. Hein. Troisième place, il était Sainz. Alors évidemment, après la Renault, elle pâtit un peu, hein, en termes de rythme et du coup, il a reculé progressivement dans la hiérarchie. Mais en tout cas, très bon départ de sa part. Donc les Renault qui finissent respectivement 8e et 9e, avec Carlos Sainz qui a beaucoup reculé et qui finit juste devant finalement son coéquipier, hein, seulement 4 secondes d'avance environ. Et tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, Sébastien Vettel a terminé 5e et Valtteri Bottas 7e derrière Kevin Magnussen. C'est là qu'on voit la difficulté qu'a eu Bottas pour remonter, hein, parce qu'il finit derrière la Haas, quoi. Il avait vraiment du mal, hein. Il est resté longtemps derrière cette Haas sans la rattraper de façon nette, hein. Vraiment pas. Et donc la quatrième place est occupée par Daniel Ricciardo. C'est assez logique finalement. Donc voilà, donc c'est très bonne performance d'ensemble pour Renault, hein, pour le retour du Grand Prix de France. Les deux qui sont dans les points, c'est vraiment vraiment très bien. Dans ce Grand Prix, sinon, il y a eu globalement peu de suspense, hein, que ce soit devant, derrière. Il y a juste la remontée de Vettel et Bottas qui était à suivre globalement. Le fait de savoir si Charles Leclerc allait pouvoir tenir le coup et inscrire un point, sachant qu'il y avait Romain Grosjean derrière avec la As, mais il a très bien tenu le rythme, encore une fois, un très bon rythme sur sa Sauber de la part du jeune pilote monégasque, du rookie, hein. Faut le rappeler, hein. C'est un nouveau pilote, hein, Leclerc, hein. Première saison F1, et il fait déjà des petits miracles, donc c'est génial. Et ensuite, voilà, comment dire, le tracé, et la zone DRS dans la grande ligne droite, là, avant la chicane, eh bien, a fait qu'on a vu des dépassements gratuits, quoi. Des dépassements que j'appelle des dépassements d'autoroute. Tu mets ton clignotant, tu passes, et puis l'autre peut rien faire devant, peut pas se défendre, et voilà. Et après, tu te rabats, et c'est tranquille. En gros, c'était un peu ça, hein. Après, il y a eu quelques dépassements un peu plus, jolis, on va dire. Surtout dans le, comment dire, juste après la chicane, il y a la fin de la ligne droite, du Mistral, je crois qu'elle s'appelle. Et après, vous avez une courbe rapide à droite, là, qui se passe à fond. Là, il y a eu un ou deux dépassements sympas à cet endroit-là. Mais sinon, il y a eu un beau dépassement de Kimi Raikkonen dans le premier secteur, il me semble. Enfin, Kimi Raikkonen qui avait fait, ouais, un beau pressing dans le premier secteur sur Daniel Ricciardo. Une belle bataille de ce côté-là. Mais globalement, la configuration du circuit fait que les dépassements sont compliqués. Alors, moi, je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait éventuellement une zone de dépassement après le bossé dans le virage à gauche, le virage lent à gauche, qui mène ensuite sur les deux derniers virages, les deux, trois derniers virages. Mais les F1 passent rapidement cet endroit-là. Hein. Faut rappeler aussi, c'est que les F1 sont plus rapides cette saison, et du coup, freinent plus tard, accélèrent plus vite. Et du coup, pour dépasser et aller se faire un pilote devant au freinage, c'est plus compliqué. Il y a plus d'appui sur ces monoplaces. Donc voilà, même au dernier virage, un virage qui est assez lent pour plonger vraiment à l'intérieur, c'est compliqué en F1. On a vu plus de ce côté-là des dépassements en F2 et en GP3, même si ça reste quand même assez compliqué. Les pilotes attendant plutôt justement la zone DRS de la ligne départ de la ligne droite de départ arrivée, qui est donc l'autre zone DRS du circuit pour dépasser. Donc c'est, comment dire, ça reste compliqué. Donc voilà, mais c'était pas très surprenant. Puisque beaucoup de pilotes, il y a déjà un an, même voire plus, disaient que le tracé du Castellet leur plaisait pas vraiment. Et des pilotes de pointe, hein, comme Lewis Hamilton d'ailleurs, le disaient. Donc, c'est pas très surprenant. Mais bon, après, ça dépend, on le sait, des faits de course aussi, hein. Là, les Mercedes étaient largement devant. Du côté de la hiérarchie, c'était finalement assez net. C'est très dur de suivre de très près une monoplace. Il y a des courbes rapides, ouais, c'est assez compliqué. Les points de dépassement globalement, je sais pas, 75 ou 80% des dépassements, enfin la grande majorité des dépassements, si ce n'est la quasi-unanimité, c'est déroulé ben, dans la ligne droite, la grande ligne droite de retour avec la zone DRS. Donc bon, du coup, ça a donné un spectacle un peu amoindri, alors qu'on met en place le DRS à l'époque, rappelez-vous, justement pour augmenter les dépassements et augmenter le spectacle. Mais en l'augmentant artificiellement, eh bien en fait on n'augmente rien du tout et au contraire on crée quelque chose qui fausse la course, tout simplement. Alors le DRS pour se rapprocher, ok, et après donner l'occasion de dépasser, mais le DRS qui fait tout, non, et ça je l'avais déjà rappelé dans le podcast concernant le DRS que je vous invite à écouter. C'est un vieux podcast, un vieux. Ça doit faire 2-3 ans que je l'ai fait celui-là, mais c'est toujours d'actualité et j'en avais fait un également. Il y a très encore plus longtemps, en 2012-2013, c'était globalement de la même teneur. Donc voilà. Sinon, ouais. Sinon, en termes de rythme, on peut dire que c'était très triste pour McLaren et Williams. McLaren qui se retrouvait globalement carrément au même niveau que Williams. Impossibilité de marquer des points sur ce tracé où la pleine charge occupe 70% du temps. Donc forcément, pour McLaren qui a des soucis de ce côté-là, j'ai l'impression. Williams, ils ont des soucis à tous les niveaux, donc bon, c'était pas étonnant de les voir derrière. Mais McLaren, les voir comme ça, on avait vraiment l'impression qu'ils régressaient, et ils régressent, n'arrivent à rien faire. Mais ça se comprend, hein, ça se comprend à la lumière de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. de tous leurs problèmes, que ce soit sportif ou extra-sportif, eh bien, ça donne ça, tout simplement. Et c'est dommage pour Alonso, qui est un pilote de pointe, un des meilleurs pilotes du plateau, à non point du P, et Stoffel Vandoorne, qui est un pilote très prometteur, qui a beaucoup de talent en réserve, mais qui ne peut pas l'exprimer dans cette écurie. Et attention qu'il ne soit pas désigné comme un bouc émissaire. Hein. C'était le cas, souvenez-vous, pour Sergio Pérez en 2013. C'était le cas pour Kevin Magnussen en 2014. Donc des pilotes qui ont réussi dans d'autres écuries, du coup. Hein. Pérez, qui sur Force India a fait plusieurs exploits en inscrivant des podiums. Et sur Sauber avant également, il faisait des très bonnes performances avec des podiums. Et donc Kevin Magnussen, qui sur Haas, là, cette année, fait quand même des bonnes choses. Vu qu'il domine Romain Grosjean et qu'il a plutôt un bon rythme, hein, et il s'illustre beaucoup moins par ses frasques que par ses frasques en piste que par sa pointe de vitesse cette saison. Donc voilà, un moment McLaren a gâché, on va dire, des pilotes, a failli vraiment leur ruiner leur carrière, hein, parce qu'une carrière en F1, ça tient qu'à un fil vraiment. Hein, on a rarement une deuxième chance, et ces jeunes pilotes ont eu vraiment justement de la chance d'en trouver une. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire globalement sur ce Grand Prix de France. Hein. Je vous fais pas un résumé en détail, en long, en large et travers. Déjà que là, ça a duré pas mal longtemps, là, tout ça. Et il reste une dernière partie, le High Speed Dating. Donc voilà, si vous voulez parler de quoi que ce soit concernant le Grand Prix de France, j'ai sûrement oublié des trucs. Mais si vous voulez que je redétaille, je peux le faire sur les réseaux sociaux ou vous répondre sur analysef1.lepodcast.fr, qui est le petit site du podcast, tout simplement. Donc n'hésitez pas. Sur ce, on va s'écouter un titre de White Blues, de leur dernier album, et on se retrouve. D'ailleurs, White Blues, oui, voilà, on peut retrouver leur titre à la Fnac et tout ça, chez tous les disquaires, donc c'est important. Ils ont été, comment dire, repérés et ils ont signé chez un label. Donc ça fait super plaisir pour ce groupe grenoblois. Et donc, ben, n'hésitez pas. White Blues dans la catégorie métal de chez votre disquaire, vous devrez les trouver. Et voilà, on se retrouve juste après. Bonne écoute et à tout de suite. Down to you. On se retrouve dans Analyse F1 pour la dernière partie de ce podcast où on va parler de Nico Hülkenberg dans ce nouveau High Speed Dating. Il reste plus beaucoup de pilotes, hein, finalement. On en a fait beaucoup au cours de ces dernières années dans High Speed Dating. Mais il faut que je le finisse. Je pourrais me dire, ouais, bon, ben, je fais d'autres choses. Mais bon, j'ai commencé, je finirai. Vous en faites pas. Et je trouve aussi la rubrique très intéressante, que ce soit pour moi quand je fais les recherches et pour vous également, pour mettre en perspective la carrière du pilote, ce qu'il est aujourd'hui en F1, et pour pas oublier d'où ils viennent ces pilotes, tout simplement parce qu'on a tendance souvent à avoir la mémoire courte en F1, surtout si on écoute les grands médias sportifs autour d'eux. Hein. On l'a vu hein, quand j'ai parlé de Lance Stroll par exemple, hein, quelqu'un qui a gagné pas mal de choses dans sa jeune carrière, et d'autres pilotes également. Ça sera moins le cas quand on parlera d'Ericsson. C'est peut-être le seul cas dans tout High Speed Dating. D'ailleurs, ce sera sûrement un des derniers pilotes que je traiterai. Du coup, Hülkenberg, il est né à Emmerich am Rhein en Allemagne. Alors, c'est où ça se situe, ça? Donc, am Rhein, ça veut dire sûrement sur le Rhin, un truc comme ça. Donc, ça se situe à la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas, donc à l'ouest de l'Allemagne, tout simplement. Il est né le 19 août 1987, donc il a 30 ans, bientôt 31, Nico Hülkenberg. Il a encore quand même quelques belles années devant lui, hein, en F1, hein, je pense, hein, vu son talent, quand même une valeur sûre de la F1, on peut pas dire autrement, on le verra tout à l'heure. Donc, comme tout le monde, il a commencé sa carrière de sport auto en karting. Il a commencé à l'âge de 10 ans, ce qui est un peu plus tard que certains de ses copains, qui, on a vu, ont pu commencer à 6 ou plus souvent à 8 ans. Donc, en 2000, donc il a 12 ans à peu près, 12-13 ans, entre 12 et 13 ans. Et il croise Sébastien Vettel hein, dès cette année-là dans diverses compétitions de karting en plus. Ouais, oui, les deux pilotes sont allemands. C'est à peu près la même génération, donc c'est plutôt logique. Mais c'est marrant de voir qu'après, ils se recroisent en F1, quand même. C'est plutôt marrant. En 2001, Hülkenberg termine 5e de la South Garda Winter Cup ICA Junior, donc une compétition ICA Junior. Il y croise Vettel également. Il termine 2e de la Green Helmet Trophy Cadet. Donc ouais, il y a certains mots où je mets l'accent anglais et certains mots où je parle en franglais. Voilà, ne relevez pas, hein, ne faites pas attention, voilà, c'est comme ça. Et il termine enfin premier, il remporte un titre dans les Italian Open Masters, toujours en ICA Junior. Et enfin, il participe au championnat allemand junior de karting. Et il croise de nouveau Vettel. Donc voilà, ils ont suivi un peu le même parcours hein, finalement, Vettel et Hülkenberg. Et déjà en 2001 quand même des très bons résultats de la part de Nico Hülkenberg qui s'exporte en Italie et tout. C'est l'avantage également comparé à d'autres pilotes parce que ces derniers temps j'ai pas mal dans la speed dating enfin ces derniers temps depuis un an je parlais pas mal de pilotes qui étaient pas européens et là du coup on voit l'avantage d'être européen, c'est il y a un accès facile aux compétitions en Italie, en Allemagne logique vu qu'ils y sont. Mais ils peuvent facilement naviguer ici et là, alors qu'un pilote qui vient d'Amérique du Sud, il y a un peu moins le terreau favorable pour trouver des compétitions et des compétiteurs peut-être forts, et du coup, faut aller en Europe et se heurter à une autre culture, et surtout quitter son cocon familial alors qu'on est très jeune. Là, les pilotes européens n'ont pas cette obligation, on va dire. Donc on voit quand même deux différences. C'est plutôt intéressant, je pense, car après, on met en perspective tout cela. En 2002, il remporte de nouveau les Open Masters italiens en ICA Junior. Il y croit cette fois-ci Sébastien Buemi, le pilote suisse. Et il remporte de nouveau également le championnat allemand junior de karting. Il se frotte au niveau européen. Le championnat européen en ICA Junior et il termine 8e, championnat qui est remporté par Sébastien Buemi d'ailleurs. En 2003, il passe à la catégorie supérieure en kart et direct il inscrit des très bons résultats puisqu'il remporte le championnat allemand de kart, donc c'est très fort, et il termine 5e des Open Masters italiens en Formula A. Voilà, c'est la catégorie Formula A. En revanche, en CIKFIA, qui est donc la grosse catégorie de cartes, hein, avec vraiment des gens bien plus âgés, là, hein, je rappelle, il a à peine 15-16 ans, là, en 2003. Et il va se frotter à des gens qui ont peut-être plus de 25 ans, 30 ans, qui font que du karting pour certains, qui font pas aller en monoplace et qui ont vraiment une autre approche. Et du coup, bon, il a pas de succès dans cette catégorie, c'est dommage. Pour lui, mais cela dit, suite à cette très bonne saison, quoi qu'il en soit en karting, il va être suivi par Willy Weber, qui n'a aucun lien de parenté avec Mark Weber, mais qui était tout simplement le manager de Michael Schumacher. Donc c'est pas rien, ça fait parler. Évidemment, on commence à observer ce jeune pilote allemand, Nico Hülkenberg, qui est suivi par le manager Schumi. Donc c'est très intéressant pour la suite de sa carrière, évidemment, pour trouver de la place en monoplace notamment. En 2004, ce sera sa dernière année en karting. Il termine deuxième du championnat allemand de kart. Il n'arrive pas à conserver son titre qu'il avait deux fois de suite quand même obtenu, mais il termine deuxième, ce qui est pas mal. Et il recule en Open Masters italien. Il termine huitième. Voilà, bon ben, c'est honorable sans plus. Bon, mais il a quand même fait ses armes en karting, on peut pas dire le contraire, remportant de nombreux titres, se frottant au gratin européen. Donc là, il est fin prêt, après 5 années de compétition de karting, d'aller en monoplace. 2005, donc première année en monoplace, il a donc 17-18 ans. 17-18 ans, et il remporte dès sa première saison, il remporte la Formule BMW à DAC. Donc c'est vraiment fort, hein. Dès sa première saison en monoplace, il n'y avait pas d'essai avant ni rien, il termine premier. Il y croise encore Buemi, qui termine deuxième et avec qui il a lutté de manière farouche pour le titre. Il y croise également Sergio Pérez, et oui, un certain Sergio Pérez. Donc Pérez, hein, on peut les raccrocher les deux, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'un côté, le pilote européen qui a pu se frotter au niveau européen, qui a pas eu à quitter le cocon familial plus que ça. Et d'autre côté, Sergio Pérez qui a dû y aller un peu plus à la dure, quitter le Mexique et aller en Europe. Et donc sur cette saison, sur ce titre, il a 14 podiums sur 20 courses, donc c'est vraiment très fort. L'année suivante, il évolue en Formule 3 allemande. Il termine cinquième. Il y croise notamment Hoppintung, un pilote qu'on a vu un petit peu en F1, aussi en Formule E, il me semble, sans succès aucun, et qui avait remporté cette Formule 3 allemande, hein, n'empêche, à l'époque. Donc je voulais le signaler, parce qu'en Hoppintung, on se dit, ouais, c'est un nulos, mais quand même, hein, il a fait des. Il a une carrière, une pré-carrière, quoi, où il a fait des choses. Donc voilà, cinquième de la Formule 3 allemande, pourquoi pas. Et vu son niveau allemand, donc il a remporté la Formule BMW à DAC, où il y a beaucoup de pilotes allemands. Il fait une performance honorable en Formule 3 allemande. Du coup, à la fin de l'année, il est sélectionné pour participer en A1 GP. Vous savez, c'était cette tentative un peu de Coupe du Monde des sports mécaniques, où chaque monoplace représentait un pays. Donc ça a été un flop, hein, cette compétition, mais il a été désigné quand même pour être dans le bac allemand. Et il termine premier tout simplement, et il fait une grosse grosse performance là-dessus, et il s'illustre, hein, parce que vraiment le A1GP, je crois que c'était la première saison ou une des premières saisons du A1GP, donc forcément les médias suivaient ça, les médias spécialisés suivaient ça de près, donc il se montre encore plus avec 9 victoires, 14 podiums en 20 courses, encore une fois, et ben le titre tout simplement où il a pu se frotter à d'autres pilotes, d'autres pays. Il a fait ça seul également, quasiment tout seul, hein. Je crois qu'il y a que deux courses qu'il a dû louper. C'est un autre pilote allemand qui avait pris la relève, mais sinon je crois qu'il a fait la majorité, voire la totalité des Grands Prix. En 2007, il évolue dans une catégorie supérieure en F3 Euro Series, donc vraiment la F3 européenne, quoi, en gros, Formule 3 européenne. Et il termine troisième, donc c'est vraiment honorable, hein. Il y affronte notamment Grosjean, Buemi, Kobayashi, donc pas des perdreaux de l'année, vraiment. Des étoiles montantes, eux aussi. Et il remporte les Masters de Zolder, donc ça parle quand même, remporter les Masters de Zolder. Suite à cette année, Williams l'a repéré et lui accorde un test en F1. D'ailleurs, suite à ce test, eh bien, il signera en tant que pilote d'essai dès 2008, donc ce qui est pas mal. Bon, évidemment, maintenant qu'il a été suivi par Willy Weber, qui signe pilote d'essai pour Williams, évidemment, il y a une obligation de résultat. Là, il a terminé troisième des F3 Euro Series. Maintenant, il faut remporter le titre, comme d'autres l'ont fait avant. Je vous rappelle, dans la speed dating, on voit souvent les différents pilotes qui, après une première année où il remporte pas le titre, la deuxième année, bam, il remporte le titre. C'était le cas récemment pour Pierre Gasly, par exemple, une première année en GP2 moyenne, quoi, en Dandy, et la deuxième année, bam, il remporte le titre directement. C'était le cas pour plein de pilotes. Et ben, Nico Hülkenberg ne déroge pas à la règle et remporte ses F3 Euro Series en 2008. Il y affrontera Jules Bianchi, d'ailleurs, cette saison-là. Et il remporte 7 victoires sur 20 courses, ce qui est plutôt pas mal, une course sur 3 environ remportée. Il termine deuxième des Masters of Zolder, donc encore une fois, il est présent dans les grands événements. En 2008-2009, il se frotte pour la première fois au GP2, donc là c'est vraiment la catégorie d'accession directe à la F1. C'est plutôt logique qu'il soit promu là. Et dans les Asia Series, qui sont un peu, c'est un peu l'avant-saison, on va dire, qui permet également de faire des essais et comment dire, de se préparer pour la saison de GP2. Il termine sixième, donc c'est vraiment bien, c'est prometteur. Et en 2009, pour sa saison de GP2, pour sa première saison de GP2, il la remporte tout simplement, donc c'est très très fort, hein, pour ce pilote allemand. Il y bat notamment, et là en plus il y avait une grosse promo, puisqu'il y aura affronté et battu Vitaly Petrov, Luca Di Grassi, Romain Grosjean, Pastor Maldonado, Guido van der Garde, Jérôme D'Ambrosio, Sergio Pérez, Kamui Kobayashi, Karun Chandhok. Donc une dizaine de pilotes qui évolueront en F1 par la suite, et très très vite d'ailleurs par la suite pour tous ces pilotes. Donc voilà, très grosse performance de la part de Nico Hülkenberg, qui donc ben, gagne son bac en F1 là directement, hein. Franchement, c'était logique. Et la logique est telle que Williams le signe en 2010. Il le signe aux côtés de Rubens Barrichello. Donc c'est un peu compliqué parce que Barrichello, il a un peu plus de 15 ans d'expérience. Et là, on a le rookie Hülkenberg qui, malgré ses très bonnes performances par le passé, ben, entre dans ce giron assez gigantesque qu'est la F1 et assez différent de tout le reste. Donc il se fait logiquement dominer en 2010. Voilà, c'est normal. Même si il se débrouille mieux sur la deuxième partie de saison quand même. On voit une légère progression quand même. Et il se fait remarquer notamment par une pole au Brésil. Une pole position au Brésil dans des conditions compliquées. Donc voilà, Nico Hülkenberg. Malheureusement, son année descente sera estimée insuffisante. En tout cas, enfin, officiellement insuffisante, et en tout cas, il a été remplacé par Maldonado en 2011. Donc voilà, des besoins de fond, une Williams qui était vraiment au bord du gouffre, quoi, en 2010, c'était vraiment pas une bonne Williams du tout. Donc forcément, ils ont besoin d'un peu renflouer les caisses. Ils ont signé le pilote vénézuélien au lieu de poursuivre leur collaboration avec Hülkenberg. Il est signé donc par Force India l'année suivante, Force India qui le prend sous son aile. Et en 2011, malheureusement, il ne sera pas titulaire, mais il sera pilote d'essai. Mais on va dire, il aura tellement étonné, et surtout les pilotes Force India, qui étaient Adrian Sutil et Paul Di Resta, ont un peu déçu quand même. Du coup, c'est Adrian Sutil qui se fera éjecter du baquet et qui sera remplacé par Hülkenberg en 2012. En 2012, il termine 11e du championnat. Bon, ben, sur une Force India, 2012, c'était pas la folie, Force India. Il pouvait arriver quelquefois dans les points, mais pas plus que ça, quoi. Et il arrive dès sa première saison avec Force India, plus régulièrement dans les points et mieux classé en plus dans les points que Di Resta, qui était son coéquipier. Et il le domine en qualif vraiment beaucoup. Il se fait remarquer également, Hülkenberg, par une quatrième place à Spa. Spa, c'est le juge de paix. Bon, on sait qu'en 2012, il y avait eu le méga accident provoqué par Romain Grosjean au départ. Mais malgré tout cela, quand même, finir quatrième sur une Force India en 2012 à Spa, ça parle. Il s'illustre encore au Grand Prix du Brésil, hein, comme en 2010, hein, décidément c'est un Grand Prix qu'il affectionne, où là il jouait la victoire, on s'en souvient, c'était dans des conditions compliquées. Il jouait la victoire, ou en tout cas le podium. Malheureusement, il y a eu un, comment dire, il a touché avec Hamilton. Et Hamilton avait dû abandonner, me semble-t-il. Et quant à Hülkenberg, il a pu continuer, mais il a fini cinquième seulement. Donc encore une fois, le podium qui lui échappe, mais sa course s'est faite remarquer dans le paddock et dans le milieu spécialisé de la F1, tout simplement. On a vu que c'était vraiment un pilote avec un potentiel qui est présent. En 2013, eh bien, Nico Hülkenberg choisit Sauber, il choisit de quitter tout simplement Force India et d'aller chez Sauber. Donc là, ça a pas trop plu dans le paddock. Le paddock s'est dit attention, oulala, il a fait une année chez Williams, Même s'il s'est fait débarquer, on a un peu oublié ça, du côté du paddock. Il a fait une année chez Force India, là il va chez Sauber, il n'est pas très fidèle. Donc voilà, il commence à acquérir une réputation de pilote mercenaire dans le paddock, qui choisit ses contrats en fonction de ses, enfin, voilà, ses intérêts propres, mais vraiment sans on va dire trop regarder le côté sportif ou autre. Enfin bref, il choisit Sauber, termine 10e du championnat. Il était aux côtés d'Esteban Gutiérrez. Bon, il explose, hein, il explose Gutiérrez, ce qui est plutôt logique vu que le pilote mexicain n'a jamais trop rien fait en F1. Mais il arrive à s'illustrer autrement, parce que évidemment battre Gutiérrez c'est une chose, mais faire des bonnes performances en est une autre. Et avec sa Sauber, il arrive quand même à impressionner d'une nouvelle fois, notamment par son pilotage défensif, Hülkenberg. Et oui. C'est un pilote où je me suis dit, moi je me souviens quand je le voyais courir sur Sauber, je me disais mais il y a pas d'autres, très peu sont les autres pilotes qui arrivent à défendre comme il le fait, c'est-à-dire à ne pas se faire passer dans certaines situations et à tenir plusieurs tours, notamment subissant des fois le DRS ou autre, et notamment en Corée. Lors du Grand Prix de Corée du Sud, il résiste pendant de très très très nombreux tours, hein, alors qu'il a une Sauber tout simplement, une pauvre Sauber, et que derrière il tient des monoplaces plus rapides. Donc évidemment c'est quelque chose qui se fait remarquer, et assez logiquement. Entre 2014 et 2016, il re-signe chez Force India. Alors c'est dire si à quel point il est un peu mercenaire. Du moins 2014, dès le début de l'ère hybride, là il a une mauvaise réputation à ce niveau-là, mais le fait qu'il reste chez Force India pendant 3 ans quand même, ça, on a tendance à un peu oublier cela, heureusement pour le pilote allemand. Et du coup, durant 3 saisons, il sera aux côtés, et il affrontera le Mexicain Sergio Pérez. Donc c'était un duel très intéressant entre deux très bons pilotes. Dans une écurie en constante progression, il faut dire, entre 2014 et 2016, Force India a fait du chemin et a impressionné ses pairs, hein. Ça, il faut bien le dire. Concernant Hülkenberg, en 2014, il termine 9e du championnat. Il arrive à marquer des points 15 fois sur 19, ce qui est assez fort, hein, dans l'ère hybride, où il pouvait y avoir des soucis de fiabilité, mais où la Force India était là en termes de fiabilité. Il est notamment plus régulier que Sergio Pérez, qu'il arrive à dominer. Mais Pérez est le pilote qui se fait peut-être le plus remarquer, puisque Pérez arrive à inscrire un podium avec cette modeste Force India, chose qu'il manque à Hülkenberg qui n'a toujours aucun podium. Alors est-ce qu'en 2015 il va arriver à saisir l'opportunité, une opportunité de course, à inscrire un podium? Eh bien non, il termine 10e du championnat, ce qui est pas mal, et en plus Pérez arrive à le battre sur l'ensemble de la saison. Donc on note dans le duel un ascendant pris par le pilote mexicain qui en plus inscrit un autre podium, arrive plus régulièrement dans les points que l'allemand, et Hülkenberg n'inscrit aucun podium. Mais cela étant dit, il effectue quand même une bonne saison, il n'est pas à la ramasse non plus par rapport à Pérez, il reste rapide, il inscrit les points, bref, il fait le boulot quand même, hein, il faut le dire. Et en 2015 également, il s'illustre, Nico Hülkenberg par contre, par la victoire aux 24 heures du Mans pour sa première participation, ce qui n'est pas rien. C'est dire également la capacité de polyvalence et le bagage que peuvent emmener les pilotes de F1 quand ils vont ailleurs. C'est vraiment très fort, ils ont vraiment un talent hors du commun, il faut le signaler. Et Hülkenberg ne fait pas exception à la règle. En 2016, Pérez le bat de nouveau, et cette fois-ci en marquant 2 podiums, et Hülkenberg toujours aucun podium, depuis 2010 aucun podium, alors qu'il a eu les opportunités. Si Pérez les a eu, Hülkenberg les avait logiquement aussi, vu qu'il a la même machine. Et il termine 9e du championnat, Hülkenberg. Peu de top 5, hein, il faut bien signaler, hein, par rapport à son coéquipier, et tout simplement sur l'ensemble de la saison. C'est quand même une bonne saison, mais il se fait dominer de nouveau par Pérez et aucun podium. Et là, il est en situation de faire partie des pilotes de toute l'histoire de la F1 qui ont le plus de Grands Prix sans podium. Donc c'est un triste record pour Hülkenberg. Malgré son talent, heureusement, son talent arrive quand même à se faire voir du côté du paddock plus que ce triste record. Et on lui donne la confiance. On lui donne la confiance en 2017. Renault lui donne cette confiance. Le retour de l'écurie française est marqué par Hülkenberg, qui est désigné chef de file de l'écurie, et il tient bien ce rôle. Désormais, il a beaucoup d'expérience en F1. 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ça fait 6 saisons en F1. Donc ça commence à être un pilote d'expérience, un pilote fiable, un pilote qui fait pas de vagues, c'est vrai, on le voit très peu responsable de crash ou quoi que ce soit. Alors certes, peut-être il est justement, il manque un peu de prise de risque pour aller chercher des opportunités en piste, mais en tout cas, il fait des bons résultats, il marque les points pour l'écurie, les points qu'il faut, donc c'est une bonne décision de la part de Renault. Logiquement, en 2017, il explose Julian Palmer, qui est le pilote britannique qui était un peu nulle part, hein, à l'image un peu de Esteban Gutiérrez. Malgré une faible progression de la part du pilote britannique, Hülkenberg est littéralement au-dessus, c'est normal. Il est devant Sainz, mais c'est serré cette année. C'est un peu plus serré, même s'il est plus régulier que le pilote espagnol. Et je pense personnellement que l'allemand est plus complet que Sainz, qui fait beaucoup moins d'erreurs, beaucoup moins de grosses fautes, notamment défensives, dans le pilotage. Et du coup, est plus fiable que le pilote espagnol. Et en plus, en vitesse de pointe, on voit qu'il est vraiment fort, parce que Sainz est un peu réputé, il a acquis un peu une réputation de pilote très rapide. Il a couru aux côtés de Max Verstappen et qu'il arrivait de temps à autre à être plus rapide que le pilote néerlandais. Mais Hülkenberg, là, cette saison, est plus souvent devant Sainz. Donc, on n'oublie pas, on va dire, les qualités du pilote allemand. Et en plus, en termes de représentant de Renault, il s'y prend mieux que Sainz. Par exemple, Hülkenberg, au Grand Prix de France, il a fait coucou à tout le monde, il a fait coucou, il a pris le temps et tout, alors que Sainz, bah, il est passé et puis salut, il a pas fait coucou dans sa monoplace au public, alors que c'est un peu le Grand Prix à la maison de Renault, donc il tient un peu plus ce rôle, on va dire, d'ambassadeur, et c'est important, hein, pour les écuries également d'avoir un pilote fiable de ce côté-là, d'autant plus pour Renault qui revient tout juste en F1. Donc voilà, il est chez Renault cette saison, à voir comment ça va se faire. Est-ce qu'il aura une opportunité de podium? En tout cas, Renault fait partie des écuries qui sont le plus régulièrement éligibles à des top 10. Donc c'est l'écurie, on va dire, la meilleure des autres pour l'instant. C'est-à-dire derrière Red Bull, Ferrari et Mercedes, qui sont le trio de tête loin devant. Mais s'il y a quelque chose qui se passe pas, qui se passe mal devant, on va dire, on peut s'attendre à ce que Renault ait une opportunité de podium et donc Hülkenberg aurait cette opportunité. Pardon, cette opportunité. Et pourtant, plus tôt dans la saison, en Azerbaïdjan, l'opportunité s'est présentée, mais pour Force India, étonnamment. Et oui, c'était à Bakou, donc ouais, forcément, Renault était peut-être un peu moins bien. Et du coup, ben, c'est Sergio Pérez, une nouvelle fois, qui a inscrit un podium. Décidément, le pilote mexicain qui est un peu un renard des surfaces, comme on dirait au football. Je dirais un renard du podium, hein. Vraiment, Pérez, quand on s'y attend pas et quand il y a une opportunité, c'est ce pilote qui est là, hein. C'est quelque chose de fou. Mais bon, Hülkenberg, pour l'instant, il a fait une carrière en F1 plus qu'honorable, mais il lui manque quand même ce podium, hein. On lui pose la question 10 000 fois, on le sait. Il le sait également, il le veut, mais il se prend pas non plus trop la tête là-dessus. Il a raison, il a la tête sur les épaules. Bon, il est un peu... Il a de l'ego, il a un égocentrisme comme un peu beaucoup de pilotes, mais un petit peu plus que certains quand même. Il sait qu'il est, on va dire, il sait qu'il est fort, il sait ce qu'il vaut, et du coup il se prend pas trop la tête avec le podium, et il a plutôt raison de ce côté-là. Voilà. Et bon, bah, on va voir ses stats un petit peu, la partie que j'aime bien, un peu plus légère. Alors il a effectué 144 Grands Prix, bon 145 parce que j'enregistre cette dernière partie de podcast après le Grand Prix de Grande-Bretagne, donc 145 Grands Prix, 0 podium, une pole position quand même, 2 meilleurs tours en course et 43 tours en tête. Alors, comme d'habitude, j'aime bien c'est aller sur la carte et regarder à quoi ça équivaut. Donc c'est 43 tours en tête, ça équivaut à 194 km. 194 km, alors moi par exemple j'habite à Vichy, donc je me suis dit, bon, 194 km, si je veux faire la même distance qu'Hülkenberg en tête d'une course, où ça va m'amener? Et ça va m'amener à Vienne. Et oui, Vichy-Vienne, 194 km. Donc voilà, vous pouvez vous faire un road trip sympa en disant, voilà, j'ai fait la distance qu'a effectué Nico Hülkenberg en tête d'un Grand Prix. Ça ne sert à rien, mais vous pouvez le faire. Ça vous fera gaspiller de l'essence, mais vous pouvez le faire quand même. Hein. Moi, je ne vous oblige à rien. Mais voilà, c'est où vous pouvez regarder à partir de votre ville plutôt. Ça vous évitera de vous déplacer à Vichy et d'aller à Vienne. Enfin bref. Là, je digresse. Voilà, c'est la fin du podcast. Je deviens fou. Et je vais vous dire au revoir bientôt. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Dans le prochain podcast, j'espère traiter... est-ce que je vous dis le thème? Voilà, je vous le dis vite fait. De l'hyperfinanciarisation de la Formule 1. Voilà, donc c'est un thème assez lourd, hein, un peu comme la place des femmes en F1. C'est un thème assez important que je peux pas traiter tout seul, enfin du moins c'est plus intéressant de le traiter avec quelqu'un qui est spécialiste du sujet. Donc je vais essayer d'inviter cette personne qui serait experte sur le sujet. J'ai des idées déjà, ne vous en faites pas. Si j'ai pensé à ce sujet, c'est que j'ai déjà des idées. Mais j'espère je pourrais faire ce podcast et du coup en apprendre, vous en faire apprendre sur le sujet, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très peu traité, voire pas du tout, hein. Corrigez-moi si je me trompe. D'ailleurs, si vous avez des liens de dossiers là-dessus de la part de journalistes d'enquête spécialisés sur la F1, ben n'hésitez pas à me les envoyer. Mais en tout cas, c'est un sujet très peu traité. Et à mon avis, c'est très intéressant de le traiter parce que de ce sujet découle pas mal de décisions qui sont prises en F1 et pas mal de problèmes qui peuvent également se poser. Donc, c'est un sujet très intéressant et qu'il ne faut pas omettre, tout simplement. Sur ce, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ce très long podcast, hein, et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, le plus tôt possible, je ne sais pas quand. Alors là, ça faisait plus de trois mois, je crois, sans podcast, depuis février, donc ouais, ça faisait même peut-être 4 mois, ça faisait longtemps. J'ai pas pu le faire plus tôt, mais j'espère que, en tout cas, mes podcasts vous plaisent toujours autant qu'avant. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, en tout cas, sur les réseaux sociaux, je les lirai attentivement. Et j'en prendrai bonne note, comme d'habitude. Et tout simplement, voilà, les réseaux sociaux, pour les rappeler, c'est @F1Analyse sur Twitter. Et vous cherchez Analyse F1 sur Facebook, vous trouvez la page facilement. Et sur PodCloud, donc PodCloud qui héberge le site, sur analysef1.lepodcast.fr. Vous pouvez également laisser des commentaires et je les regarde de temps à autre. Pas forcément très souvent, mais de temps à autre. Merci à tous. Donc, eh bien, d'ici le prochain podcast, tout simplement, tous ensemble, vivons notre passion. À bientôt.